Bon, je Par vais rapport à... commencer, Oui. mais bien évidemment, ce sera un échange, je crois, parce que vous allez à dire autant que moi, ou voire plus même. Sur la Donc musique, sur le... sur... Non, mais Oui, là, on pas parle sur la médecine, mais sur de ce qu'on va les, sur semer. les, voilà, sur les, l'approche à la santé et de comment affronter des petits soucis de santé par là. Donc là, Ok. ce sera beaucoup mon point personnel, basé sur mes observations, mes vécus, voilà, une sorte de témoignage, mais que j'ai essayé un petit peu mettre dans un cadre des réflexions, parce que c'est bien de savoir des choses, même de réussir, de faire des choses, mais c'est encore mieux de comprendre pourquoi Ah les oui. choses arrivent et pour... Mmh. Alors justement, en profitant de fait que là, dans l'univers et les règles ou de la structure de l'univers est pareille de partout, on peut se baser sur les analogies pour se débrouiller dans différents domaines. Et c'est remarquable qu'on peut en approfondissant un domaine, la connaissance d'un domaine, on a la vision du monde qui change aussi total et qu'on peut appliquer ce qu'on a appris sur un petit terrain dans un domaine totalement différent. Donc là, en général, si vous voulez bien, je pense qu'on va parler donc d'un côté donc de notre corps, donc comment notre corps se débrouille dans la vie, dans la nature dont il fait partie, mais également comment on peut aider les corps là où il faut les faire, dans des situations un petit peu critiques, qui probablement ne vont pas faillir à se Revenir, c'est clair. représenter là dans l'avenir proche. Ouais. Et donc beaucoup de choses que je veux dire pour vous, c'est déjà évident. S'il y avait des gens qui venaient de la ville, qui, voilà, justement, Ouais. ça pourrait être beaucoup plus inspirant pour eux. Pour vous, bon, ce sera des choses. Bon, on va essayer peut-être approfondir ensemble la réflexion là-dessus. On va essayer de combler nos lacunes les uns les Si on a, autres, voilà, parce que s'il y en a. c'est forcément Il y en a toujours, ouais, notre ça, ça. source, nos vécus, notre tradition sont différents et peut-être il y a des petits éléments ou même la vision plus globale qui diffère On peut de nos, compléter, donc en on peut les fait. On peut se faire compléter mutuellement. croiser ou Voilà. confronter Voilà. Ok. et voir. Donc là je voudrais commencer peut-être d'une réflexion que j'ai faite. Donc récemment, sur l'histoire pour comprendre qu'est-ce que c'est la santé, qu'est-ce que c'est les corps. Et c'est là, et je me suis dit qu'il y a quand même certaines lois que la nature nous impose, parce que quand on réfléchit bien, tous nos problèmes de santé, ça vient du fait qu'on, quelque part, on fait défaut aux lois qui gèrent la nature. Et autrefois, par exemple en Pologne, il y a un dicton que les poissons, que quelqu'un est en bonne santé comme un poisson, c'est-à-dire on n'a jamais vu un poisson malade, donc on dit que voilà, quelqu'un est en bonne santé comme un poisson. Si on dit que quelqu'un s'est guéri, c'est comme un chien, c'est-à-dire les chiens, et on Ils lui savent se donnait soigner la tout seuls. possibilité qu'en se léchant, il se soigne. Et ça peut nous inspirer aussi. Ah, il y a peut-être des personnes. Ah ben. On va vous mettre dans les coins. Jean, regarde, regarde, Bonjour. là, s'il vous plaît. Bonjour. Ah, Bonjour. je vais apporter un verre peut-être encore. Excuse-nous. On va parler un petit peu d'une vision de la santé, de manière comment on peut entretenir cette santé et dans les situations des fois éprouvantes pour la santé. Et donc, en se basant sur les vécus, donc c'est pas peut-être prouvé scientifiquement, mais il y a des choses qui, voilà, qui sont déjà connues depuis très longtemps. Il y a d'autres qu'on découvre par nous-mêmes des fois, si on a la chance. Et donc, j'ai commencé justement en se posant la question, qu'est-ce qu'il y a comme loi dans la nature qui permettent que les êtres vivants qui vivent normalement dans les cadres naturels et sans problème de santé, la plupart des temps, donc après, il y a des accidents ou il y a des situations spécifiques où effectivement les corps est mis aux épreuves. Mais la conclusion, ce serait que les humains, les problèmes de santé, ça vient de cette premier péché originel qui serait de s'extirper ou, comment on dit, émanciper, émanciper des lois de la nature. Et si on. Donc, moi, j'ai essayé un petit peu réfléchir là-dessus, sur ces lois qui assuraient cette longévité en bonne santé chez les animaux. Et finalement, j'ai trouvé quelque chose de très restrictif. Enfin, la première constatation que j'ai faite, que finalement, on est tous. Les produits avec l'obsolescence programmée. C'est C'est-à-dire intéressant. depuis au moment de la nature, et ça on peut comprendre les cycles de la nature, il a besoin de diversité, et peut-être il en. Bon, on parle d'évolution, mais peut-être c'est pas moi je crois plus pas en hasard dans l'évolution, dans les changements, mais plutôt justement une intelligence qui se manifeste à travers, donc déjà à travers les merveilles et mécanismes, disons, biologiques qu'on a à l'intérieur, mais qui peut être toujours, selon les besoins des conditions extérieures ou selon des moments, il peut être soumis à des modifications, améliorations, etc. Donc, cette obsolescence est programmée, elle pourrait servir justement à établir quelque chose qui est positif, malgré que, bon, il y a ces cycles de vie, naissance, développement, vieillissement et trépas, les périls à la fin. Ça peut nous sembler quelque part injuste parce que si on regarde du point de vue individuel, on se dit pourquoi on doit s'en aller. Mais de point de vue général, c'est quelque chose qui est positif d'un côté parce qu'on peut gérer les ressources, c'est-à-dire on peut. Parce que si on s'imagine que on est de plus en plus nombreux, à certains moments, effectivement, les ressources pourraient être saturées. Donc il y a besoin de faire la place pour les nouvelles générations. Et il y a aussi donc cette loi, à une loi un petit peu qui les suit, c'est que. Il y a dans l'univers, il n'y a rien qui reste éternel, il y a des usures. Et donc et le corps est donc fourni d'un pouvoir de défense d'abord dans certaines situations, on peut se protéger contre les choses qui viennent d'extérieur, pas nocives par exemple. On a la capacité de réparation si on est endommagé. On a la capacité de régénératif s'il est faux. Donc même cette régénération, elle est continuellement remplie parce qu'on dit que les cellules, ils sont changées tous les 21 jours carrément du corps, y compris des os, les cellules qu'on considérait qu'elles ne bougeaient pas. Et on a ce pouvoir d'adaptation justement aux besoins extérieure. Et ça, c'est l'intelligence du corps qui est toujours à notre écoute. Et c'est pour ça que si on, par exemple, et ça a de bons côtés et mauvais côtés, parce que si, par exemple, on arrête les solliciter dans certains domaines, on va observer donc les muscles, par exemple, si on parlait des muscles, les muscles vont se... comment on dit ça? J'ai oublié le mot. Ils vont devenir de plus en plus faibles, s'atrophier, voilà. Merci beaucoup, c'est le mot que je cherchais. Et par contre, si on a besoin, par exemple, de développer une certaine spécialité, même, le corps va faire tout pour nous aider. Sans notre volonté, quelque part derrière, il y a cette intelligence qui est plus intelligente que nous, quelque part, qui va faire tout pour qu'on puisse justement se perfectionner dans ce domaine-là. Et maintenant, donc, si on se pose la question, donc, si c'est merveilleux comme ça, pourquoi finalement on tombe malade? Et à ce moment-là, la réponse peut être que le corps est quand même dépendant de l'extérieur, et ce qui lui arrive d'extérieur, c'est les ressources de la matière pour justement pouvoir faire des réparations, le développement, d'autres opérations intérieures. Et aussi, bon, ça on le sait, quelque part, même si c'est pas prouvé totalement, on prend l'énergie d'extérieur aussi. Et moi, je vais vous dire peut-être rapidement d'une théorie que moi j'ai développée il y a des années, qui est un petit peu farfelue, mais qui peut-être va vous plaire. Je l'appelais ça la théorie des scaphandres. Donc, c'est-à-dire que je m'imaginais, parce qu'on sait que depuis René Quinton, qui au début du XXe siècle, il a étudié les milieux vitaux dans le corps humain, et il a dit que ce qu'on a à l'intérieur, c'est rien d'autre que le milieu marin qui est reconstitué. Et il disait que nous sommes finalement des aquariums dans lesquels il y a les cellules baignent dans l'eau de mer, qui est notre sang et le système lymphatique, parce que si on regarde bien tout ce qui sort des corps liquides et salés. Et donc moi, je suis allé plus loin parce que je me suis dit, voilà, donc la vie est née dans la mer, a priori on est d'accord là-dessus. Donc j'imaginais, parce qu'on a tous les codes génétiques, donc on est tous des appareils, on est tous des scaphandres, et même les êtres vivants dans l'eau, dans la mer, ce sont des scaphandres, mais qui ne sont pas perfectionnés parce que justement, elles n'arrivent pas encore à permettre à vivre à l'extérieur de l'eau. Et si on imagine maintenant quelqu'un qui va sur la planète de Mars, où les conditions de vie ne sont pas aptes à nous recevoir tel qu'on est, donc on a deux solutions seulement. Soit on s'habitue, ou on meurt, soit on prend notre environnement vital avec nous. Donc l'idée, c'est que les êtres vivants, donc dans ma théorie, les êtres vivants qui étaient dans la mer, dans les océans, ils se sont rendus compte que la température s'abaisse, parce que apparemment, selon René Quinton, et la température il y a 40 millions d'années. Donc selon lui, je peux pas ni confirmer ni infirmer scientifiquement ça, je ne suis pas capable. Il disait que la température de mer à l'époque était 44 degrés et que les êtres, donc, qu'elle était moins salée que maintenant, et que selon lui, le développement évolutionnaire menait aux espèces qui étaient de plus en plus capables de restaurer, reconstituer cet milieu originel et primitif. c'est-à-dire température 40 degrés voire plus, et salité moins fort. Donc nous, dans le corps humain, on est déjà très avancé, mais on arrivait à 37 degrés seulement à peu près. Mais pour lui, les animaux les plus avancés, c'était des oiseaux. Parce que les oiseaux, effectivement, la température du corps et du sang est supérieure à 40 degrés. Et ça peut être intéressant pour eux, par exemple, pour se protéger contre les champignons. Parce que les champignons, a priori, ils n'aiment pas la température au-dessus de 40 degrés. Et c'est pour ça que le corps, la première défense du corps, c'est la température. Voilà, pour combattre justement des microbes ou des êtres, des parasites qui supportent pas et principalement cette température élevée. Donc si on est donc ces petits êtres, on ne sait pas eux, parce que finalement si on regarde nous, on voit pas qui on est, le scaphandre, mais qui est dedans, on ne sait plus. Voilà, est-ce que on peut pas imaginer que c'était des êtres non matériels, parce que dans ma théorie, il serait pas la température, peu importe la température, ça ne les dérangerait pas. Donc, si c'était les êtres qui craignaient de la température et qu'on ne les sent pas, on ne les voit pas, peut-être ils ne sont plus là. C'est-à-dire, peut-être ils ont construit quelque chose, les systèmes des scaphandres qui peuvent, c'est pas seulement réparer, mais aussi reproduire par eux-mêmes, comme des robots qui arrivent à tout faire, mais nos habitants ne sont plus là. Donc ma théorie, c'était comme ça. Et quand on est déjà sur la planète Mars, je reviens, et pour survivre, alors on a notre scaphandre avec notre milieu naturel, mais il faut renouveler ce milieu, parce que tout s'use déjà, oxygène, et les minéraux et tout ça. Donc c'est pour ça que ces scaphandres sont fournis de différentes capacités. Donc on a des mains qui peuvent apporter les produits premiers pour nourrir les corps. Il y a les yeux pour voir qu'est-ce qu'on peut trouver, toutes les sensations pour s'orienter, la mémoire, l'intelligence et tout ça. On peut voir que fonctionnellement, quelque part, ça, c'est nécessaire justement pour que le corps puisse remplir sa fonction correctement. Et là maintenant, en plus, parce que Claire, je sens déjà qu'elle s'est dit, mais Darek, tu sais bien que le corps humain ne peut pas gérer les minéraux. Les minéraux, ça passe pas. Donc, on a créé tous les milieux naturels, les plantes, les bactéries, qui préparent, qui gère tous les éléments chimiques et minéraux pour qu'ils soient utilisables par cette assimilables et utilisables après par ces trucs. Et après, donc, on sait bien maintenant, depuis quelques années, que les virus jouaient un très grand rôle dans le développement et dans évolution, soi-disant, des humains, et que ce sont donc pour moi, ce sont des sources d'information, et les moustiques, et toutes les parasites qui servent de faire partager. Bon, on sait aussi qu'on peut communiquer par les ondes, ça c'est merveilleux. Entre les cellules, déjà, il y a une communication qui est très, très compliquée, très élevée. Mais disons que les moustiques ou les virus, ils pourraient aussi permettre donc soit à améliorer, donc porter les informations utiles dans le développement. On dit par exemple que les mammifères ne pourraient pas exister sans une infection virale à certains moments. Et peut-être aussi dans l'élimination, s'ils se rendaient compte que quelque chose, on a commis un faux pas, il y a des erreurs de construction, donc il faudrait se débarrasser. Et c'est pour ça, quelque part, le monde est construit dans les cycles où il y a cette chaîne de nourriture où les prédateurs, ils servent aussi donc à réduire les populations ou à faire disparaître certaines espèces qui ne sont pas souhaitables, qui ne sont pas viables. Et moi, je pense que donc deuxième loi, ce serait la viabilité, c'est-à-dire à quel moment les corps peut être considéré comme plus fiable, et à ce moment-là, il devient comme l'arbre, par exemple, qui s'affaiblit, et on voit que tout se conspire pour les faire disparaître le plus rapidement possible. Et moi, je l'ai vu dans quelque part, cette communication, parce que je ne sais pas si vous avez eu, j'espère que non, la possibilité d'assister à la mort d'un être vivant. Moi, j'ai eu un lapin sur mes genoux, et ce qui m'a choqué, parce que très souvent on dit des derniers souffles, qu'il y a l'âme qui part. Moi, je pense que ça existe aussi, parce que je ne peux pas mettre en doute cela, mais ce que j'ai remarqué, qu'il y avait des secousses comme ça. Voilà, le dernier sursaut. Les sursauts. Et voilà, et pour moi, ces sursauts, c'est rien d'autre que l'information à toutes les cellules, allez, hop, c'est fini, on ne fait plus rien, on accepte notre disparition. La vie ne disparaît pas de toute façon, parce qu'il y a tout de suite les bactéries, et notamment les champignons, la fameuse candidose albicans, qui se met en route pour décomposer le plus rapidement les corps. Il y a des mouches qui apportent, qui par miracle apparaissent, et qui font tout pour que les corps disparaissent. Et c'est étonnant. Moi, avec un lapin que j'ai sauvé, peut-être j'aurai l'occasion de raconter son histoire, il devrait être mort. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il a vécu encore pendant un an et demi, mais par les mouches, il était considéré comme le mort. C'est-à-dire que les mouches essayaient tout le temps de lui déposer les œufs pour que les lesticots les dévore. Donc ça, pour moi, c'était étonnant, parce qu'il était mort-vivant. Mais voilà, il y avait une sorte de communication quand même, c'est à mon avis, parce qu'on parle maintenant, je ne sais pas si vous avez entendu parler des champs morphiques. Donc les champs morphiques, c'est quelque chose qui est censé d'être une intelligence supérieure aux individus, c'est-à-dire que chaque espèce aurait sa propre intelligence qui permettrait justement, même s'il n'y a pas d'héritage, disons, bon, c'est très intéressant à expliquer, mais peut-être qu'on n'a pas le temps d'entrer dans cette direction, mais en tout cas, on a certaines choses, très phénomènes très choquants, qu'on voit que les animaux, même s'il n'y a pas de relation d'héritage direct, ils quand même héritent l'information que l'espèce avait. Et moi, par exemple, dans ce que j'ai remarqué, que les lapins, quand ils entendent la trompette, ils sont en panique terrible, parce qu'ils sont pendant des siècles, ils entendaient l'appel à la chasse, et pour eux, c'était associé au danger. Donc dès qu'il entend, même avec l'accent des voitures qui fait semblant une trompette, c'est la panique totale, c'est vraiment incroyable à voir. Et donc, mais il y a aussi des choses, il y a des documentaires qui par exemple parlent des oiseaux en Angleterre qui ouvraient pour boire les crèmes de les bouteilles, parce que les milkman, ils déposaient les bouteilles de lait devant la porte. Et ces oiseaux-là, je ne sais pas si c'était rouge-gorge, je crois, ils se sont habitués à venir ouvrir la capsule et boire le meilleur. Et après, donc pendant 40 ans, il n'y avait pas de lait. Ça, vous savez que maintenant, plus personne dépose le lait. Mais dans certains endroits en Angleterre, on a revenu à ça, et immédiatement, il y avait des oiseaux qui venaient, c'est-à-dire qu'ils avaient cette mémoire quelque part qui se gardait, on ne sait pas comment. Donc cette viabilité, comment faire pour ne pas être classifié à l'individu à l'abattre, et des fois c'est l'espèce qui est à l'abattre, c'est justement la question principale, je pense, qu'on peut nous poser. Et il y a donc le problème des maladies qui apparaît, des bonnes santé. Bon, il y a des hygiénistes de siècles passés qui disaient que la maladie n'existait pas, que tout ce qui existait seulement, c'est des dysfonctionnements qui étaient liés à un déséquilibre. Donc on a donc différentes possibilités, parce qu'on parle, voilà, on peut avoir des déséquilibres physiologiques, chimiques, et mentales, psychologiques, spirituels, on peut avoir tout. Et c'est vrai que tout, quelque part, on est à la partie commune, disons, de tous ces univers, toutes ces énergies, ces éléments. Et donc pour eux, il n'y avait pas, bon, si on pouvait dire, il y avait une maladie seulement, et cette maladie pouvait être soit aiguë, soit pire, chronique. Parce que s'il y a aiguë, nous-mêmes, c'est-à-dire parce que très souvent, malheureusement, le fait qu'on s'est séparé de nos instincts, on nous reste les intuitions encore, mais des intuitions qui sont pas, voilà, on les écoute ou on n'écoute pas. Instinct, a priori, c'est impératif. Et donc, c'est nos choix, nos oublis, nos négligences qui mènent à ça. Et à travers de quoi? Donc pour eux, parce que vous savez, il y avait cette dispute déjà entre Pasteur et Bernard, donc qui représentait les hygiénistes. Et lui, il disait, donc le corps est parfait, il y a l'attaque d'extérieur, et ça provoque la maladie. Et Bernard, il disait, non, et c'est le problème des terrains, il appelait ça les terrains, c'est-à-dire si le corps est affaibli, il devient les cibles des attaques, ou même il ne devient pas les cibles spécialement, il y a toujours en nous des pathogènes qui sont présents, tous les microbes, tous les virus, tous les virus possibles. Par contre, elle se tient au carreau parce que ils savent que de toute façon ils n'ont pas de chance de. Et c'est peut-être au niveau énergie quelque part, ils ont le signal à quel moment ils se réveillent, etc. Donc ça, on ne sait pas comment ils détectent qu'il y a un problème dans les corps et que c'est l'opportunité à tenter leur chance. Et donc pour eux, il y avait deux causes principales de ces déséquilibres au niveau du corps, soit c'est quelque chose qui n'était pas suffisant ou quelque chose qui était en trop. Donc soit il y avait une carence, soit il y avait un empoisonnement, on peut le dire généralement comme ça, parce que même on sait que même des choses qui sont par leur nature pas nocives, mais en saturant les corps ou en dépassant certains seuils, elles peuvent devenir nocives et fatiguer les corps, par exemple. Les corps, ce qui est la plupart des temps, je crois, la cause des problèmes de santé, c'est que notre corps est tellement sollicité, son système est métabolique, son système de défense naturelle et de adaptation, de régénération, réparation, etc., est trop sollicité et commence à être fatigué. Et à ce moment-là, voilà, on a des symptômes qui arrivent. Et à ce moment, il faudrait, voilà, justement, en regardant en sachant quels sont les signes de bonne santé et quelles peuvent être donc disparition de ces signes de bonne santé ou les symptômes de dysfonctionnement, donc les dysfonctionnements qui peuvent nous donner l'indication qu'est-ce qui ne va pas. Et donc pour revenir un petit peu dans notre situation actuelle, Donc on vivait dans le paradis terrestre, on n'avait pas de problème de santé, tout allait bien. À certains moments, on a cherché ce fruit interdit. Et ce fruit interdit, ça pourrait être soit la nourriture cuite, soit ça pourrait être la viande. On ne sait pas exactement. Mais ce qui est étonnant, c'est que dans la Bible, on dit tout de suite que donc d'un côté, l'homme commençait à s'habiller. Il s'est caché devant le Dieu, il commençait à s'habiller. Et c'est que Claire, elle dit que quand on mange cru la nourriture vivante, on ne ressent plus le froid ni le chaud. Donc peut-être justement, ils se sont mis à manger ce qu'il fallait pas avec le feu, et ils ont perdu la capacité de garder leur résistance au changement des températures. Et c'est pour ça qu'ils commençaient à s'habiller. Après, donc, on s'habille, on met les chaussures, donc le corps n'est pas stupide, il dit voilà, bon, on n'a pas besoin, alors on ne gaspille pas l'énergie pour constituer la rugosité des plantaires. Donc, on devient de plus en plus fragile, et dépendant de cet artifice qui nous commence à protéger contre la nature pour lequel on était au départ créé. Sauf si, quand certains disent, on est une manipulation génétique des extraterrestres qui sont venus, ils ont dit on a besoin des esclaves, alors allez, on va les créer, on ne s'embête pas. Parce que ce qui est étonnant, que les animaux domestiqués, par exemple les cochons, elles perdent leur fourrure, comme nous on n'a plus. Et quand on les relâche, ils commencent à vivre dans la nature, comme en Corse par exemple. Tu as vu des cochons en Corse? Des cochons sauvages? Sauvages? Non. Bah, apparemment, ils ont de nouveau la poêle. C'est-à-dire, ils auraient... Non, on n'en a pas vu. Bon, on a fait une sortie vraiment en montagne. On est descendu dans les rochers pour aller voir une cascade et tout ça. On n'a pas vu de cochons. Peut-être qu'on n'est pas allé dans la région où il fallait non plus. Hein. Bah oui, ils étaient déjà en train d'être consommés quelque part. Bon, en tout cas, c'est Konrad Lorenz qui était entomologue, donc celui qui étudiait le comportement des hommes et des animaux. Et il s'occupait d'extraordinaires choses. Et d'ailleurs, ça je vais vous dire après, aussi à propos, rappelez-moi les robots et les poussins. Ça c'est beau à connaître ça. Et donc, il disait que l'homme, c'est rien d'autre que l'animal qui s'est auto-domestiqué. C'est-à-dire que c'est l'homme par soi-même, il s'est mis dans cette tracade de vie en dehors de son milieu naturel. Et donc, la conclusion, ce serait quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire pour garder le mieux notre force vitale, de ne pas succomber aux premières? Avoir une bonne hygiène de vie, bien nourriture, bien se nourrir. Bonne hygiène. Oui, mais plus généralement, encore sans détail. On est en route, il faut renforcer le corps à faire des choses progressivement. Oui, mais ça c'est encore le détail. Mais plus généralement, si notre problème c'est parce qu'on s'est découpé de la nature, la solution ce serait retourner à la nature. Voilà, et de ça ressort toutes les choses que vous dites. Voilà, se nourrir de manière qui correspond à notre constitution, à notre physiologie, métabolisme, etc. De ne pas détruire notre environnement naturel, parce que c'est qui est incroyable, parce qu'on a l'impression qu'effectivement, on a, depuis 40 ans, on mène une guerre contre l'humanité et contre la nature, parce qu'on fait tout pour détruire la nature. Et déjà en commençant avec cette idée qui est fausse totalement, que les bactéries c'est notre problème. Voilà, parce que justement le contraire, c'est sans bactéries on ne peut pas vivre. Il y a plus de, si on pèse les bactéries qu'on a dans le corps, ou c'est le nombre de bactéries et le nombre de cellules du corps, on ne fait pas le poids. c'est les bactéries qui nous nourrissent carrément, parce qu'il y a cette symbiose entre les microbiotes intérieurs et les corps humains. Donc, les cellules du corps humain. Donc après, il y a des choses, voilà, qui sont mystérieuses, même pour les plus grands scientifiques, je pense. Et on commence à découvrir que le corps, il est technologiquement tellement avancé qu'on a même dans les science-fiction, des fois, on n'arrive pas à inventer des choses. Par exemple, on parlait des téléportations. Et apparemment, maintenant qu'on parle de cette physique quantique, on s'est rendu compte que déjà dans la cellule même, et pour transverser des membranes et pour faire les divisions, etc., on utilise la téléportation. Et ils disent, et schématiquement aussi, par exemple, on voulait qu'un tétard qui se développe, normalement, ça prendrait de manière physico-chimique, ça prendrait des milliers d'années. Et ça se passe en quelques semaines. Et ça se passe en quelques semaines parce qu'il n'y a pas justement des processus chimiques qui prennent beaucoup de temps, mais il y a cette immédiatité, on dit, non, comment, instantanéité. Voilà. De communication, de transportation de micro, c'est même micro, comment on dit ça, il y a des éléments, les atomes, et ils se conglomèrent en molécules, voilà, merci, bravo, des molécules. Donc même des molécules, il y a certaines qui disent qu'il y a même la transmission de transfert des molécules. Et il y a ce qu'on n'arrive pas à faire. On dit toujours que les métaux, par exemple, ils se forment seulement pendant l'explosion de supernova, mais apparemment dans les corps des animaux et humains, on fait les transmutations selon les besoins. À l'exemple des poules, par exemple, quand on prive les poules de calcium, des sources de calcium, à certains moments il arrête, si on les prive de tout, et les œufs, la coquille devient molle, et par contre si on les commence à nourrir avec les silices, avec les cailloux, de nouveau, ils forment la coquille, c'est-à-dire il arrive à transformer la silice en calcium. Donc il y a des choses extraordinaires. Je parlais hier d'antigravité. Et selon certaines, donc les scientifiques russes, ils s'appelaient Victor et Grenadiev, je crois. Victor, j'ai oublié déjà. En tout cas, il étudiait des insectes et il a découvert, parce qu'il y a certains insectes comme le bourdon, par exemple, qui ne sont pas du tout aérodynamiques, et avec ses petits ailes, c'est peu probable qu'ils arrivent à se déplacer aussi bien. Donc pour lui, ce qu'ils font, c'est seulement les bruits, justement, la vibration qui fait qui crée dans les champs, parce qu'il y a des cavités dans leur corps qu'on ne savait pas à quoi ça servait, et ça servait à créer les résonances probablement, et l'insecte, il peut se déplacer de manière que ce n'est pas explicable avec les ailes, c'est pas possible de voir ça. S'il y avait au moins quelque chose rigide, il pourrait peut-être rebondir comme ça, mais dans l'air, sans poser sans rien, se déplacer comme ça, c'est pas possible. Et regardez bien qu'est-ce que les insectes sont capables de faire. Bon, mais ça, c'est encore une digression. Ouais. Et donc là, on revient à nos moutons, c'est-à-dire comment entretenir notre santé. Donc effectivement, Claire, elle est spécialiste de la nourriture vivante, donc elle pourrait vous expliquer les choses. D'ailleurs, elle a expliqué pendant... vous n'étiez pas... Non. Il y a trois... Mais on va reprendre, a priori, on va reprendre à la rentrée. Et donc l'exercice, bon, il y a, on peut raconter tout ce que vous savez déjà, donc ça peut être pas la peine. Attendez, je vais regarder seulement si j'ai pas oublié quelque chose. Donc on a des alliés et des ennemis, bon ça c'est sûr. Et donc, ah oui, donc pour moi, peut-être, y a une épreuve de cette force vitale, de viabilité des corps, et ce sont des maladies, peut-être des fois, et de temps en temps, on tombe malade, même si on ne voit pas la raison pour tomber, et peut-être c'est justement, le corps vérifie, il fait examen, est-ce que c'est encore modèle qui peut continuer à rouler, ou il faut le mettre à la casse. Voilà, un contrôle technique. Après, donc de l'intelligence, malheureusement, cette intelligence du corps a des failles. On peut arriver justement de les tromper. Et on a des failles à tous les niveaux. C'est pour ça, par exemple, l'hypnose, la manipulation, et les problèmes de hallucinations ou d'illusions optiques, sonores. C'est dommage que vous n'ayez pas fait écouter les illusions sonores, parce que ça, c'est incroyable aussi. Donc, on a des failles. Oui, mais ces failles sont provoquées par l'homme. Bon, ces failles, c'est par les comportements. Par la vie moderne. Voilà, oui. C'est pas quelque chose de naturel. Donc, voilà, même dans les. Mais peut-être c'est justement des portes dans le cerveau, l'effet qu'on peut hypnotiser des gens et prendre pouvoir des personnes, ou qu'on peut paralyser par exemple une poule, ou les médecins ayurvédiques, ils touchent une biquette, ils touchent et biquette, hop! Elle est paralysée, il n'arrive plus à bouger. Donc il y a certaines interfaces ou des prises où on peut, si on connaît, on peut prendre pouvoir des lampes. Peut-être ces failles, finalement, quelque part, sont prévues déjà à la conception, on ne sait pas. Donc, et sinon, voilà, donc il y a cette usure. Donc il y a certaines situations dont cette capacité d'adaptatif peut être dépassée, et il y a ces mécanismes dégénératifs aussi, c'est-à-dire on peut malheureusement accélérer ce qu'on appelle vieillissement du corps. Et là, peut-être, donc, ce que peut nous. Parce que quand on s'est débarrassé de. Donc, ça, c'est peut-être le problème principal. Quand on est débarrassé de nos instincts, et on n'est plus conscient de nos instincts, et on n'écoute pas toujours nos intuitions, et on peut faire des bêtises, ou on peut prendre des mauvaises habitudes, ou on peut se laisser conditionner. Donc il y a plein de comportements, et surtout les comportements systémiques et prolongés, permanents, qui peuvent s'installer et qui peuvent accélérer notre chute, disons. Voilà. On va commencer par le fait qu'on apprend aux enfants à avoir 3 repas par jour, alors que... On n'a pas besoin. Mais oui, justement, on nous a mal canalisé depuis le début. Mmh. C'est pas mal, c'était des habitudes qu'on avait. Mmh. Ah, mais c'est des habitudes. Les personnes pensaient que c'est bon. Parce qu'ils étaient. Les habitudes qu'on disait, l'histoire du petit déjeuner, que pour faire de l'argent, en fait. Mmh. Oui. Entre autres, et ainsi de suite. Hein. C'est qu'une histoire d'argent derrière. Bon, tout dépend des... Il faut être flexible quelque part, parce qu'il y a des gens qui, par exemple, qui travaillent beaucoup, ils ont besoin. Et maintenant, il faut se poser la question, quelle sorte de nourriture manger à quel moment? Et là, je vous renvoie de nouveau à Claire. et à quel moment de l'année? Donc, ça, c'est dans la médecine Ayurveda, ils ont bien étudié les problèmes. C'est-à-dire cet équilibre, on a de... ce qu'on appelle de la constitution, on peut appeler ça la constitution ayurvédique, voilà, on appelle ça sadosha, donc c'est lié au moment de notre naissance, à configuration de différentes énergies, et après apparemment ça revient de nous, ce moment d'équilibre. Voilà, et c'est comme ça, on a parlé aussi, pourquoi on a tant d'allergies aujourd'hui, c'est parce que les bébés, quand ils naissent, pendant les premiers jours, c'est l'apprentissage de ce qu'est l'environnement naturel. Et si les bébés passent ce temps-là dans les conditions stériles dans l'hôpital, pour lui, c'est ça, l'environnement naturel. Et dès qu'il sort de l'hôpital, il se sent agressé par toutes les autres choses. Oui, vas-y. Donc, on parle d'allergie, mais il y a plein de personnes maintenant qui deviennent allergiques, qui n'ont jamais eu d'allergie avant, qui en ont à 30 ans, 40 ans, voire plus. Donc là, ça, à mon avis, ça peut venir de leur habitude alimentaire, ou ça peut venir de leur exposition aux ondes électromagnétiques qui ne sont pas du tout naturelles. Et d'ailleurs, je vais faire encore tout de suite une autre digression parce que c'est important. Et Marcel et Violet, donc c'était un chercheur français de première moitié et deuxième partie du XXe siècle. Et c'est lui qui a fait les travaux sur la dynamisation d'eau en premier. Et dans sa théorie, c'est que la vie n'est pas apparue il y a, je ne sais pas, 3 milliards ou combien de temps on dit, et depuis elle se développe, mais la vie se crée à chaque moment. Et l'élément clé de cette création de la vie, c'est une sorte de radiation cosmique qui, de manière polarisée par exemple, parce que soit le soleil, soit la lune qui envoie la lumière polarisée, elle fait créer de la vie de zéro. Donc là maintenant, c'est sa théorie, je ne peux pas donner la tête si c'est vrai ou pas vrai, mais si c'est vrai, et lui, dans une conférence qui est très intéressante à écouter, de 1972 je crois, il a fait une conférence à l'Institut de France, ou Académie de France, il y a un organisme, institution comme ça, prestigieuse pour les scientifiques, et il disait que depuis les années 50, il observe la détérioration de cette force vitale, aussi bien dans le monde que dans la vie humaine. C'est-à-dire, lui, il disait qu'on a bien démarré, l'espérance de vie a bien augmenté jusqu'à 57, je ne sais pas d'où il a pris ces dates-là, et après on a le déclin. Et ça ne coïncide pas avec ce qu'on nous rabâche tous les temps, qu'on vit dans une époque où enfin on peut vivre longtemps, et de plus en plus longtemps, mais ça c'est seulement en comparaison avec le 19e siècle, où les ouvriers, à cause de la révolution industrielle, ils étaient condamnés à s'épuiser, vivre dans les conditions misérables. Et donc ils ne vivaient pas 40 ans et il y avait grande mortalité infantile. Donc là, la moyenne. Voilà, mais si. Voilà, donc il y avait beaucoup, beaucoup de natalité. Par contre, il y avait une grande mortalité à natalité. Par contre, si on regarde les dictionnaires, encyclopédies et anciennes, vous allez voir, moi je fais cet exercice et je me suis dit, mais quand même étonnant, ils vivent au moins 80 ans les gens célèbres. Est-ce que c'est la célébrité qui fait qu'on vit plus longtemps? Je ne sais pas. En tout cas, c'est pas seulement ça. Et si on regarde les recensements, en 1806, Napoléon il a ordonné un recensement et il avait, et donc ça c'est, je répète ça après Marcel Violet, et il a décompté deux douzaines, c'est-à-dire au moins 24 personnes, qui avaient plus que 115 ans à l'époque. C'est-à-dire, et là maintenant, je ne sais pas s'il y a quelqu'un en France qui a atteint cet âge de 115 ans. Oui, je crois que c'est un Français qui est... Je ne sais pas si c'est en France qu'il y a des personnes les plus vieilles. C'est plutôt Non, Okuyama, ils vivent, il y a beaucoup de centenaires à Cuba. Il y a une personne étrangère qui est morte et c'est devenu un Français qui est plus vieux maintenant. Ouais. Moi j'ai entendu à 117, les. 117, chose comme ça, ouais. 115, ah, ça, je me rappelle plus. J'ai lu ça il n'y a pas longtemps en plus, ils en ont parlé. Et moi quand j'étais jeune, j'ai lu une information que la plus âgée personne à l'époque, c'était un monsieur, un géorgien qui a vécu 143 ans. Et il disait que son secret, c'était de manger tous les jours un oignon cru. Donc là, je ne sais pas. Là, j'ai entendu une dame plus âgée, elle mangeait pendant deux dernières années de sa vie, apparemment seulement un œuf cru par jour, et une biscotte, mais cette biscotte même, elle a arrêté, elle mangeait un œuf. Et après, les Cubains, ils disent que leur secret, c'est l'amour et la plaisir de vie. Et on voit les couples, bah, je ne sais pas, vous les connaissez bien, non, les Cubains. Non, j'y crois pas trop. Mais... Parce que ce qui est étonnant, qu'ils ne mangent que des pois, les pois. Ouais, pas les petits pois, ils mangent que des fèves, voilà, pas des fèves, c'est entre les haricots, voilà, voilà, c'est ça. Ils ne mangent que des haricots, rien d'autre, carrément, d'après un documentaire que j'ai vu. Par contre, ils s'aiment beaucoup, ils chantent, ils rigolent, ils sont... L'amour, les couples des centenaires qui s'embrassent toujours, qui s'adorent, qui s'aiment, c'est... Hein? Il y a beaucoup de misère hein, à Cuba aussi. Puis ça fume, ça boit, ça précoce beaucoup, oui. Bah oui, bon, il y a de tout, probablement, comme partout. Mais apparemment, Cuba officiellement, statistiquement, effectivement, est considéré dans les. Il y a beaucoup de. Il faut vérifier. Mais ce qu'ils ont eu à Cuba, ça fait longtemps. C'est très longtemps qu'ils sont. À la Jamaïque, c'est connu la Jamaïque. Comment on appelle ça? Comment on fait comme ouais, ça? Ils ont le droit, tous les pays les ont mis isolés quoi. Ah oui. Et ils ont vécu sur eux-mêmes. Ils ont vécu, ils ont retrouvé, ben, ils ont retrouvé la nature. Donc ça a beaucoup favorisé des conditions, de meilleures conditions pour eux. Parce qu'il a fallu, ouais, très très important. Et, ce qui est important, c'est l'eau. Il y a un peuple, les Hunza ou les. Comme ça, un peuple qui vit jusqu'à 140 ans, en fait. Hein. Mm. Qui est en pleine forme, en pleine santé. Mais c'est ça. C'est des. C'est le peuple des minuscules, des gens qui sont en Amérique du Sud. Je ne sais pas où ils sont, mais ils ont une eau qui est extraordinaire. Et ils sont effectivement en pleine végétation. Voilà. Mm-hmm. C'est un peuple tranquille, quoi. Mais ils c'est ont... l'eau en principe. Ben, la ils disent que c'est priorité, l'eau. C'est l'eau informée. Hein. C'est l'eau qui vivre. Coule chez eux, ouais. Qui est assez extraordinaire. De l'eau informée, c'est ça. Et c'est la priorité, c'est l'eau. C'est pas fermé, c'est génial. Je sais, c'est on a besoin de rien d'autre. Ouais. Automatiquement, l'eau. Ouais. Voilà, après, je sais pas, vous avez travaillé à l'eau informée, non pas. Non, je n'ai rien entendu parler. On en fera un. Informé comme. Des motos des motos oui, c'est ça. C'est ça, informé Oui, et puis moi, ce que j'ai à la maison, c'est de l'eau informée. Oui. C'est le bienveniste, encore. La façon d'informer. Pardon. Bienveniste, avant le Yamamoto, Miyamoto, Mamamoto. Ouais, le non, japonais. As-tu une moto je ne sais pas comment il s'appelle. Yamamoto. Hein? Yamamoto. Non, Emoto. C'est Emoto. Emoto, bah voilà. Emoto. Voilà, donc là, effectivement, on peut se poser la première question. Donc, si on s'est dit, si on est sage, et si on fait rien contre la nature, à l'intérieur. Dans le monde d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a, sur quoi il faut faire attention pour ne pas, justement, malgré tout, nos efforts, de ne pas succomber rapidement aux différents problèmes. C'est-à-dire se détruire. Bah voilà, oui, de ne pas laisser. Qu'est-ce qui peut nous influencer? Parce que vous savez bien que le corps, donc il y a une interface, on fait partie de notre environnement, et donc on a une interface qui est notre peau et nos sens et notre donc capacité d'agir, des sens, voilà. Mais aussi, malheureusement aujourd'hui, il n'y a pas seulement ça. Il y a encore d'autres, bon, c'était peut-être partout, mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez comme les choses les plus nocives pour les ondes, le stress, les ondes, la pollution, c'est le mode de vie qu'on a, c'est le mode voilà. de vie. Et si vous, par exemple, vous... oui pardon, si vous on se penche sur cet stress, qu'est-ce qui sont les causes, si on arrive à quelque part aller dans la première cause, parce que là c'est dans la médecine actuelle, on dit par exemple, ah, vous avez mal la tête, médicaments, on ne se pose pas la question, mais pourquoi vous avez mal la tête? Ah oui, parce que vous avez une fièvre, d'accord, bon, si vous avez une fièvre, d'où elle vient? Bon, vous avez une infection, d'accord. Vous avez une infection, d'où elle vient cette infection? Ah oui, vous avez été nourri ou on vous a injecté quelque chose, ou vous êtes piqué par quelque chose, ou vous êtes irradié par quelque chose. Et après, on peut aller. Donc on va arriver toujours à cette faute originelle. Mais si on remonte, voilà. Mais si l'idée, c'est ce qu'on appelle ici très souvent la prévention, c'est rien d'autre que les diagnostics précoces. C'est-à-dire, on essaye de voir les symptômes à l'étape la plus tôt, par exemple, quand ils font les tests de si on est malade, si on a le cancer. Dont la plupart des temps, ce sont des tests invasifs et qui peuvent provoquer les cancers par eux-mêmes. Et si on appelle ça prévention, moi, je ne comprends plus qu'est-ce que ça veut dire prévention. Bon, en tout cas, le stress peut avoir... non, allez, continuez. Qu'est-ce que d'après vous, le stress vient d'où? Ah, le stress, j'étais partie. En fait... Quand quelqu'un est malade, on parle de traitement holistique. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient, qu'il a, je ne sais pas moi, qu'il a mal au coude, souvent c'est le corps en fait qui s'exprime, et donc on parle avec la personne et on essaye de trouver la cause en fait, plutôt que tout de suite de lui donner... Et qu'on connaît que la cause principale, c'est un déséquilibre, donc là principalement, mais il cherche... Les causes sont particulières à une personne, selon sa culture, selon ce qu'elle fait, ses habitudes, ses préférences, ce qu'elle fait, donc il me semble... Donc il s'expose... Ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a vécu, voilà. Dans le ventre de sa mère... Exactement. Mais pour revenir, donc vous parliez du stress. Le stress est engendré quand on va à l'encontre de sa nature, quand on fait des choses qui ne sont pas justes. Philosophique, voilà, c'est la conscience, c'est très. c'est la question qui m'est souvent récemment, justement, et travail, parce qu'on s'est dit, on peut être dans l'amour, dans beaucoup de choses, dans la santé, etc. Mais s'il y a quelque chose qui en a hérité aussi, quelque chose qui dans notre comportement, dans notre pensée, nous fait trouver cette incohérence quelque part, et cette conscience qui est soit absolue, soit qui est créée par la civilisation, on peut se sentir mal à l'aise dans notre peau, et ça peut être effectivement une source de stress très important, ou au moins la fragilité au stress, cette disposition plus facile au déclenchement des choses. Mm-hmm. Mais c'est que, si on continue, est-ce que vous avez d'autres idées? Parce que là, on est dans la mer ouverte, toutes les idées sont bonnes. Par exemple, pour moi, c'est la deuxième étape, c'est la suggestion ou autosuggestion. Là, suggestion. C'est-à-dire, cette épidémie qu'on a vécue là, à mon avis, ça ne pouvait pas exister si à la télévision, on ne disait pas, vous allez être gravement malade, vous allez peut-être mourir. Et parce que les gens, moi, je les sais aussi, parce que dès que j'entends parler d'une maladie, tout de suite, je regarde, ah, peut-être j'ai cette maladie-là, j'ai quelque chose qui me demande, je regarde dans les miroirs, est-ce que je suis démence ou pas encore, je ne sais pas. Et là, je pense que les gens se laissaient justement influencer, suggérer. Et apparemment, la force des suggestions est telle que quand on dit à quelqu'un il y a condamné à mort, on lui dit on va vous tuer, et on lui met, au lieu de l'énergie qui tue, mais une petite décharge électrique, il meurt quand même. Ou on prétend que quelqu'un en coupe la tête et avec une serviette mouillée, on fait les gestes, on les touche, il meurt quand même. Donc c'est comme si effectivement il était convaincu qu'il va mourir, et cette signal allait, c'est fini, et envoyé à toutes les cellules, et il est mort. Voilà. Donc là maintenant, pour continuer, donc c'est le stress, c'est la peur, c'est sûrement la peur. Et pourquoi la peur? Le mécanisme est tout simple. Et ce qui me confirme que tout est mené avec une connaissance des causes, c'est que qu'on sait que la peur, le stress prolongé notamment, et il réveille le système hormonal qui a son activité, ça y est, son but est de bloquer temporairement dans la nature. Par exemple, quand on est dans la situation de danger, et il y a des hormones, deux hormones principalement qui sont relâchées, c'est donc les surrénales, c'est cortisol et adrénaline. Donc adrénaline pour nous donner la force surhumaine et la force à se battre ou à se sauver à toute vitesse, battre les records du monde. Et le deuxième, c'est le cortisol, dont le rôle est dire au corps, allez, on arrête tout, on ne se soigne pas, le métabolisme est fini, pas de pipi, pas de caca, pas de soif, pas de fatigue. Et même si on est blessé, le sang ne coule pas, il n'y a pas de réparation qui agissent, personne ne ressent pas du mal, c'est seulement après quand il vient et commence. J'ai eu un copain qui a failli tomber dans une précipice et avec une corde, il était suspendu comme ça avec un lourd sac à dos et il est sorti, donc il se s'en allait parce que quelqu'un lui disait fais ça, il est sorti et après il était assis. Il tremblait, il n'arrivait plus à bouger. Et à ce moment-là, justement, quand on est après les dangers, il y a cette réaction où on a mal de partout, le sang coule, et on a mal au ventre, on a envie de faire pipi, etc. etc. Il y a beaucoup de témoignages dans ce sens que tout le monde connaît. Une maman qui soulève une voiture parce que son bébé est Donc, par exemple, parce qu'on a des potentiels inexplorés, inexploités. Effectivement. Peut-être sans le savoir, elle a utilisé peut-être antigravité. Parce qu'on sait, les moines tibétains, apparemment, ils savent le faire. Hein. Oui, mais pas le... Comment tu le sais? Non, pas le lambda. C'est pas le faire. C'est une puissance que l'on a. mais qu'on ne sait même pas que... Bah, mais là, si tu soulèves une voiture d'une tonne, quand même. Quand même. C'est... La preuve, c'est que une maman lambda l'a fait. Bah oui, bah oui. Et pas qu'elle, beaucoup de témoignages. Oui, je... tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Mais ça, c'est un moment bien petit. Oui, tout à fait. Ça nous pousse à aller au-delà. Mais pas tout le monde. On est sur une main. Oui, bien sûr. Oui, mais disons que... Oui, non, il y en a qui sont paralysés. Oui, voilà. Mais si elle l'a fait, cette maman cuisinière et femme au foyer, quoi. Parce qu'on a une puissance... que l'on n'exploite pas, qu'on ne nous apprend pas à développer dans tous les sens du terme. Voilà. Et là, dans des circonstances comme ça, il y a des choses qui se passent. Hein, c'est même pas extraordinaire, c'est ce qu'on peut le faire. Mais ça prouve qu'on est encore des animaux sur pattes, hein, parce qu'on est surpuissants. Des êtres, oui, voilà, des êtres. Que la société ne nous encore... nous encourage pas dans ce sens. Voilà, donc on ne sait pas, pardon. La force du qui en fait, la force de qui. Tu as déjà vu des caractères humains. Il pousse. Il y a plusieurs personnes qui résistent. Et lui, il les pousse d'un noir. Tu n'as jamais vu ça à la télé, mais c'est pas du trucage. La force du qui, du chi. Ah, du chi, oui, non, mais ça, c'est connu quand même. Oui, oui. Des concentrations d'énergie ou d'énergie électrique qu'il arrive à générer. Il y a plusieurs mecs qui résistent et le pratiquant, il arrive, il les pousse simplement avec sa main. C'est pas truqué. Non, mais c'est... Nous, c'est extraordinaire parce qu'on est européen, quelque part. Hein. Mais c'est naturel. Ah, mais on a plusieurs corps. Il y a des corps énergétiques qui... C'est parce qu'on est exploité. C'est incroyable. Oui, parce qu'on... C'est sûr. Tu vas au Japon, tu vas en Chine, tu vas dans d'autres pays. Ils peuvent dépasser les... mètres, bien sûr. La moyenne. On s'empêche de le faire, d'y croire, en fait. Parce que je vois, hier, l'autre fois, je vous ai parlé de la biodanceur, parce que ça me... il s'appelle Rolando Toro, le gars qui l'a mis en place. Et son but, justement, c'est d'aller recontacter le potentiel que nous avons en nous. Donc, il y en a cinq qui le sont. Il y a la vitalité, il y a l'affectivité, il y a d'autres choses. Mais il a compris qu'il y a... Il y a des choses qui sont des réserves, qu'on n'utilise pas. Et tout à l'heure, vous parliez de la personne, l'adrénaline et tout. Oui. Parce qu'en fait, c'est le nerf sympathique et parasympathique. On dit quand on dit sympathique, c'est la force et parasympathique. Et et le stress, il explique que c'est le fait qu'on stimule tout le temps le nerf sympathique. Parce que dans notre société, les végétatifs sont très bons. Et donc, en biodanza, c'est une séance, il y a une courbe, et on vient parce que le nerf sympathique, c'est celui qui nous permet de nous reposer. Entre autres, ça peut être aussi on fuit pour se protéger, mais pour lui, c'est le moment où, si on stimule celui-là, ça nous permet de respirer, de nous poser et de se régénérer. De se détendre. Et de perdre son stress. Voilà, exactement. Ça s'appelle la régression. Donc ce sont des danses très douces, où il y a une intériorisation, ce qui ne se passe pas actuellement dans notre société, où il faut toujours aller de l'avant et meilleur et loin. Vous voyez ? Et il travaille beaucoup là-dedans, là-dessus. Et pour lui, le fait de régresser de temps en temps, évidemment, c'est selon les personnes, on peut recontacter ce potentiel en nous. Bon, après, aller soulever un camion, peut-être pas jusque-là, mais déjà, si on peut retrouver la joie de vivre et le plaisir déjà de vivre, savoir c'est déjà s'élever par soi-même. Oui, voilà. Ben oui, parce que ça, effectivement, c'est l'histoire de cette multistrate de nos cerveaux, de notre capacité de... Et qu'on agit maintenant sur ces peurs qui normalement jouent un rôle positif de préservation d'individus, mais là on l'utilise justement pour nous affaiblir, et ils font l'exprès parce que autrement voilà, il n'y aurait pas une telle insistance sur la peur pour que les gens se soumettent à tout, parce que la peur, quand on a la peur, et en plus on est désorienté, parce que la peur, ça bloque les lobes frontales et inhibés. Voilà, donc à ce moment-là, on nous montre les chemins, tout le monde prend ce chemin-là, parce que déjà, aucune personne intelligente n'accepterait pas que 100% de la population se vaccine dans le moment où, déjà, même si c'était miraculeux, cette injection, mais il y a toujours le danger dans la nature, c'est la diversité. C'est parce que chacun prend son chemin que une partie au moins arrive au but. Et si on tous prend le mauvais chemin, on est fini. Il y a tous un précipice. Et ça, c'est très bien. C'est pour ça que je pense que c'est très important de connaître son corps, de faire ce que fait Claire, de nous enseigner comment on fonctionne quand on mange telle chose. C'est la seule solution, en fait. C'est de connaître son corps, Et profiter de ce que la nature nous a donné armes, justement. Parce que si vous regardez les animaux, par exemple les singes, quand ils ont peur, ils ont vécu un traumatisme, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que vous le savez? Ils crient. Bon, c'est ça. Et moi, je pense, c'est ça qui nous... Et c'est pour ça qu'il y a la distanciation sociale. Et ce qu'on devrait faire comme distanciation, c'est distanciation avec les médias de masse. Parce qu'il suffit déjà qu'on se coupe de cet rabattage, qu'on va se porter mieux. Voilà. Et par contre, donc moi, parce que j'ai vécu une fois seulement dans ma vie, une période où j'étais dans dépression ou l'état dépressif, et bon, je vais pas vous raconter pourquoi, mais je me réveillais les nuits avec les stress, avec les à-coups de stress, et je savais pas comment, je sentais que je m'enfonce, et je savais pas comment s'en sortir. Ça durait 2-3 mois, j'ai commencé à avoir des cheveux blancs, ça s'est passé en 2016, et je ne savais pas quoi faire. Et à certains moments, en regardant les différentes choses sur l'internet, il y a toujours quelque chose qui nous inspire. Et cette inspiration, c'était justement ce mécanisme de hormones, c'est-à-dire comment on peut contrarier les hormones de stress. C'est par les hormones de plaisir. Et d'un côté, donc, il y a l'adrénaline. L'adrénaline, comment on détruit l'adrénaline? En faisant action. Donc on se bouge de manière... donc moi, j'étais dans le lit et je faisais les crises d'épilepsie rapidement. Et après, ce que je faisais, je me caressais, et à ce moment-là, sérotonine, oxytonine se forment, et c'est eux qui neutralisent justement le stress d'un côté, parce qu'il y a endorphine qui se forme, dopamine, je ne sais pas quoi encore, mais le cortisol est enlevé. Et d'ailleurs, si vous avez peut-être rencontré des personnes encore en dépression dans la dépression, et que les cortisol, apparemment, c'était les merveilleux médicaments contre toutes les maladies. Mais ce qu'il fait finalement, les asthmatiques, les gens, on les donne cortisol, et le corps dit alors, on ignore tout, on ne réagit plus, ce n'est pas soigné, ce n'est pas un médicament, c'est seulement quelque chose désensibilisant, ça dit au corps, allez, laisse tomber, ne t'occupe pas de te soigner, de te guérir. Et malheureusement, on dit des crises de guérison, il faut souffrir des fois pour guérir. Et il faut accepter ça, il faut être préparé. Quand un jeune recherche au début, après ça fait moins différent. Eh bien, quand on se démarre jeune, au départ, on va être plus malade de la raison pour laquelle on faisait. Ou on va déclarer une maladie qu'on avait eue il y a longtemps en arrière. Et ça va sortir. Il faut assister. Et puis là, ça sera définitivement guéri. Mais c'est vrai que ça fait... Voilà. Bon, pour moi, le meilleur médicament, le meilleur médicament, c'est l'amour. Voilà, si la personne se sent aimée, en sécurité et dans l'état, c'est comme les bébés. Je ne sais pas vous, si vous avez remarqué, mes enfants, quand ils étaient malades, il suffisait que je me couchais à côté, je mettais la main là-dessus et l'enfant s'est calmé, arrêté de tousser et souffrir, la température baissait. L'autre méthode miracle, c'est aller chez le médecin. Dans la salle d'attente, voilà, déjà l'enfant après envoie les médecins, ben, il demande moi qu'est-ce qu'il y a à l'enfant, ben, encore une heure l'enfant était malade, maintenant je sais pas quoi, qu'est-ce qui se passe. On parle de ce qu'il y avait parce qu'on voit que l'enfant effectivement miraculeusement mais pas que guéri. L'enfant, même les personnes, mon père il y a pas longtemps, il se grattait, mais alors c'est terrible, on prend rendez-vous chez le dermato. Et puis, on avait essayé beaucoup de produits, de tout naturel, rien à faire. Mais vraiment, ça réveillait la nuit, ça le piquait partout. Enfin, il était vraiment très très mal. Et on va chez là. Et quelques jours avant, il me dit, on a bientôt rendez-vous chez Renato. Je dis oui, après-demain. Il me dit, ben écoute, je sais pas ce qu'on va lui dire. Je ne sais plus. Parce qu'il savait que, parce que quand le rendez-vous a été pris, oui, ça, c'est comme calmé. Si ce qui devait être entendu a été entendu, du coup c'est bon, il n'y a plus besoin. Voilà, exactement. Donc on y est allé quand même, elle lui a fait un petit, parce qu'en fait, moi j'ai appris des choses que je ne savais pas non plus, et elle lui a fait un traitement, au cas, on a un traitement, au cas ça revienne, ça reviendra parce qu'il est très âgé, et ça vient de l'âge en fait, les allergies de cet âge-là. Mais voilà. Et donc les personnes aussi. Bah oui. Bon, il y a des mécanismes, pas compris, on ne parlerait pas des placebos, l'effet placebo, ou de se soigner par ses propres, justement, autosuggestions, etc. On peut, donc ce qui est intéressant, qu'on parle maintenant des maladies infectieuses. Mais au 19e siècle encore, on parlait de la santé infectieuse, c'est-à-dire on pouvait transmettre la santé. Et là maintenant, on commence à parler de... Parce que le corps nous a donné carrément tout pour nous soigner. C'est-à-dire, donc on peut se soigner avec l'eau de mer, c'est incroyable, mais on produit l'eau de mer dans notre urine, et il y a beaucoup de gens qui confirment que l'urine, c'est un médicament en paire. Et l'autre médicament comme ça, c'est quand on parle des chiens qui arrivent à se sortir de ces maladies en s'alléchant, c'est la salive. Et nous, dans en tant qu'humains, on a ça aussi. Et moi, je peux le confirmer parce que j'ai eu un instinct ou une intuition. Et mon ami avait un plaie, un mauvais plaie pendant 2 mois sur le dos. Il ne savait pas qu'est-ce que c'était. Donc moi, pendant 2-3 jours, je léchais. Bon, je dis ça. Et c'est parti. Voilà. Donc, et moi, ma conception, c'est ça, que notre système immunitaire, il agit surtout à l'intérieur, à l'extérieur, il est moins pour les sangs. Donc on a la défense, mais au moment où il y a des ouvertures, les plaies ouvertes, c'est nourri. Quand il y a des problèmes de peau, on peut à l'intérieur, et d'ailleurs beaucoup de problèmes de peau viennent de l'intérieur. Voilà, c'est pas, ça vient d'eczéma, etc. Ça vient d'intérieur. Mais en se léchant, par exemple, il y a un pathogène qui forme quelque chose. Je ne sais pas si ça pourrait marcher contre la mycose, par exemple. Ça serait intéressant de savoir. On lèche et dans le corps, on développe les antigènes. Et après, en se léchant les jours après, 2 jours après, on donne déjà les médicaments qui est prêt, qui se forment entre nous. Et aussi bien, on connaît dans les fables qu'il y a des baisers qui guérissent, etc. Ouais, et moi, je pense que ça peut être aussi que les gens qui s'aiment, et malgré les maladies, ils toujours échangent leur microbiote, parce qu'apparemment, si pendant un baiser qui dure 10 secondes, on échange au moins 800 000 de bactéries. Différents éléments vous avez dit tout à l'heure, les conglomérats des atomes, les molécules, voilà. J'ai des mots comme ça, hein, il faut mettre toujours le dire. Fenouil, c'est un des mots-là, je les connais. Et donc l'amour pour moi, c'est ce qui est un médicament le plus naturel, et c'est la nature qui a créé pour nous. Et peut-être l'amour n'existe pas seulement pour la procréation, mais aussi pour l'entretien de la bonne énergie et rester en bonne santé. Prendre voilà. soin de soi, on dit d'ailleurs prendre soin de soi. Et de l'autre. Et de l'autre, bien sûr. Voilà. Mais ça peut être l'amour de soi sans prétention, parce qu'on est quand même Dieu, enfin, on a un côté d'esprit divin, voilà. Donc même si on n'a pas d'enfant ou de... On peut aimer ce qu'on est. Ah bah oui, c'est ce que je veux dire. Mmh. Après, l'échange de salive avec soi-même n'a pas de sens. Ben si, tu te lèches. Que tu te... Au lieu de te laver sous la douche, tu lèches. Non. Je ne sais pas si vous avez ces réflexes piqûres de moustiques. Oui, moi je fais ça. Oui, ou par exemple, les yeux sont fatigués. On fait ça naturellement. Même quand on saigne, même quand on a une... Voilà. Donc la deuxième méthode naturelle qu'on a, les pouvoirs, c'est les pouvoirs de la main. C'est connu depuis des siècles, quand on lit déjà l'Écriture sainte, les Jésus, on dit imposition. Moi, j'ai mal en tant que l'étranger de voir imposition, je vois plutôt apposition des mains. Mais apposition, apparemment, c'est un terme bancaire ou je ne sais pas quoi. Donc, mais pour moi, c'est apposition, c'est pas imposition. Mais même dans les textes anciens, et vraiment anciens, on parle imposition des mains. Et c'est justement, j'ai lu c'est dommage parce que je ne trouve plus ces petits bouquins. Et de 19e siècle, on trouve beaucoup de trésors comme ça sur le site de la Bibliothèque nationale de France Gallica, et dans lequel il disait justement des conseils pour des personnes riches, par exemple, cherchez un gaillard et parmi vos serviteurs, vos services, là, et qui est bien positionné, qui est de bon cœur, etc. Et demander lui de poser les mains dans l'endroit que vous avez peur pendant un certain temps. Et a priori, voilà. Et à ce moment-là, il a dit sa vitalité, il va vous transmettre sa santé. Oui. Croyez ça. Moi, je le faisais avec les animaux. Mon compagnon, là. Ah. Quand je suis un peu flagada. Un peu fatiguée, hop, je me branche, je m'appuie sur la tête. Les cœurs. Je me pose et hop, la pile. C'est une pile, oui. Non, ça marche. Ça marche avec les arbres aussi. Ah, bah là, voilà, tu m'as sorti des mains et ça marche avec la terre. Ça marche avec la terre. Voilà. Les animaux, on les voit souvent. Et les animaux aussi, oui. Et les animaux nous soignent aussi. Oui. Fais attention. Voilà, donc vous savez tout. Le chat, il vient quand t'es pas bien. Il se prend. Il te prend. Ça, je veux pas, moi. Ah, d'accord, ça, je sais. Il prend le mal. Bah, il faut partager. Si ton chat a mal, il faut l'aider. Non, mais moi, ça va, c'est ok, mais. Ah. Mais. Si c'est grave. Bah, les chats, apparemment, c'est les. Si on, par exemple, on trouvait des personnes âgées. Bon, je ne vais pas vous dire. Non, hein, celui qu'on vient, c'est pas l'information. C'est vrai qu'il paraît qu'ils aiment bien monter sur les anciennes télé, tu sais, parce qu'il y a des ondes négatives. Ah, oui. Bon, on m'a dit ça, je ne sais pas si c'est vrai. Les chats dorment sur les ordinateurs. Ça leur plaît. Sur les ordinateurs, ils adorent, mais c'est bien parce que ça chauffe aussi. Non, les ondes négatives. Non, c'est des ondes. Voilà, donc c'est les mains, c'est les choses. Après, bien évidemment, le sommeil, les rythmes de sommeil, ça, il faut... Le rire. Donc, tu dois rire dans ton groupe. La respiration, rire, l'énergie, les exercices. Tu fais la biodanza? Oui. Ah, ici? Non, alors, il y a... Alors, là, il y a ce que moi, mais il y a d'autres groupes. Alors, d'accord. C'est tout biodanza. Oui, je sais. Mais seulement j'en ai fait un petit peu à Marseille. D'accord. Mais on riait, quoi, voilà. Oui, c'est pas le truc du rire. Hein. Mais quand on se regardait parfois, tu vois, tout dépend les mouvements, etc. dès que deux regards se croisaient, c'était très gai. On peut soigner avec les regards aussi, avec la sourire. Il y a tout pour tout ce qui peut nous se sentir mieux, voilà, qui lève nos énergies. Le sourire, le regard, la bienveillance, ça pénètre. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut les soigner, l'énergie collective, disons. Et c'est malheureusement, on vit dans l'époque où on nous a effectivement mis les uns contre les autres, et même au sein de familles, il y a des perturbateurs de cette énergie bonne entre les personnes, et c'est les jeux vidéo, la télévision, des fois la musique, même si la musique, en principe, ça devrait être positif, parce que c'est l'harmonie, c'est qu'on cherche quelque part, et retrouver notre harmonie interne, et si on trouve cette harmonie à l'extérieur, dans la musique, ça nous aide, parce qu'on rentre en résonance. Mm-hmm. Quelque part, il y a on a parlé de ça. Mm-hmm. Ouais, je me suis rappelé. Et donc après, il y a des méthodes aussi un petit peu bizarres que moi j'ai testées. Et c'est quand j'ai cherché des alternatives pour un neveu de mon ami qui avait leucémie à 22 ans, je suis tombé, et ça pour moi c'est pas une blague, parce que je vous racontais comment je pouvais confirmer cela, c'est l'électricité. Donc c'est un monsieur qui s'appelait, parce que je ne sais pas s'il est vivant toujours, il était âgé en 90 déjà, qui s'appelle Robert Beck, B-E-C-K, Bob, vous avez entendu? Non. Et qui a inventé un terme comme électrification du son. Et donc lui, il a tombé par hasard dans un revue scientifique, qu'il y avait une conférence dans laquelle il y avait 10 scientifiques américains qui ont proposé un matériel pour soigner sida. Et le titre c'était « Les sida électrocutés ». Donc il n'arrivait pas à trouver, parce qu'il a trouvé les livres de conférences, parce que quand il y a des conférences, très souvent ils sont de volume avec les articles. Donc il l'a trouvé dans la table de matière, ils étaient nommés. Par contre, il n'a pas trouvé l'article même, ils n'étaient pas imprimés. Mais il a cherché et il a trouvé sur les sites de brevets des États-Unis, il a trouvé ce qu'ils ont inventé. Et c'est pas c'était pas bien foutu, ça, c'était pas très intelligent, parce qu'il prenait un tuyau en glace, des électrodes, et il faisait transfuser les sons entre les deux électrodes qui avaient des micro-courants, et les sons étaient nettoyés comme ça, et on soignait sida comme ça. Mais il s'est dit, mais il faut être fou pour faire ça. Pourquoi sortir les sons du corps? Il suffit de mettre des électrodes, et micro-courant traverse les corps, les circuits 12 minutes, les circuits complets du sang c'est fait, donc il suffit d'éteindre 30-40 minutes et quelques fois déjà les sang passe, et effectivement, et ça soignait leucémie. Il a fait produire un appareil comme ça, d'ailleurs il a gratuitement donné sur les sites les schémas, et d'ailleurs il a créé un protocole dans lequel il utilisait aussi l'argent colloïdal, et il utilisait l'eau oxygénée, pardon, pour le sida, mais c'est pour le cancer aussi, pour le sémi au moins. Ça se guérit pas, le sida en lui-même il n'existe pas, c'est juste il n'y a plus de défense immunitaire, donc on attrape n'importe quoi, on meurt pas de ça, on meurt de tout un tas de... C'est oui, mais il y a quelque chose. Même si on l'appelle pas le sida, on peut l'appeler tartempion. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Oui. Il y a un virus. Un engin qui affaiblit, ça y est, un élément endoctrinien, par exemple, ou un métal ou quelque chose qu'on te met dans les corps, et ça, met chaos ton système immunitaire. Et après, ton corps, il est vulnérable. SIDA, je ne sais pas si c'est en anglais, c'est des lettres SIDA, qui veut dire... Syndrome immunitaire déficient. Voilà, en anglais. Mais en fait, c'est le corps, il ne fait plus de défense immunitaire. Mais au départ, comment c'est quoi au départ? Il y a plein de raisons. Ah ouais. C'était vaccination à la base des singes, apparemment. Ça se transmet pourtant. Oui, ça se transmet. Non. Ah bah si. Non. De quoi vous parlez? C'est l'homosexuel. Non, c'est comme avec le. C'est comme avec le. Parfois, avec les Covid. J'ai connu un médecin qui a travaillé là-dessus, un belge qui a fait un petit de Cannes. Et il avait fait un livre, c'était plusieurs d'ailleurs, il a été viré parce que. Très grand, ouais. Ils ont découvert la vraie raison et quand ils l'ont dénoncé, que ça ne s'attrape pas. C'est un peu comme les vaccins, c'était juste pour se faire du pognon. Ils ont inventé ce truc-là en fait. Oui, mais alors pourquoi il y a eu une vague énorme Et dans tout le monde. Va pas chercher à comprendre. Mais non, tout le monde ne l'a pas eu. Dans le monde. Partout. En Afrique, aux États-Unis, en France, en Italie, en Espagne, en Amérique. Ça a toujours existé. C'est devenu mondial. Non, pas comme ça. Pas comme ça. Non, il y a eu pas un génocide, mais il y a eu trop de morts. Tout d'un coup, tu vois. Ça dit, il y avait des gens qui ont perdu cette immunité. Comment tu peux savoir actuellement qu'il y a eu des morts pour ça, alors qu'on nous dit qu'il y a eu beaucoup de morts avec le Covid, et puis que c'est pas vrai? C'était la même histoire qui a été faite à ce moment-là. Sauf que toutes les personnes ont fait des tentatives, plusieurs tentatives, sauf dont que celle-ci. Toutes les personnes à la base, parce que j'ai vu des reportages, et ils avaient attrapé, eux, le sida, puisqu'il y avait des plaques un peu marron. C'est la conséquence. C'est la conséquence qu'on appelle sida. Et c'est pas une maladie, sida. Donc, c'est pas une maladie. Comment il s'appelle le gars? Tu t'en souviens? Qui a fait des bouquins? Tu sais, c'est la faiblesse du corps. Et qu'on attrape n'importe quel. Oui, non, mais j'ai prêté à mon frère, enfin, depuis les CD, puis j'ai partout. Mais par contre, il y avait quelque chose, c'est sûr. Le nom. Mais je sais pas si sa femme, c'est toujours là-bas. Je vais essayer de retrouver. Parce qu'il a sorti le livre. Son livre s'appelle Les 10 mensonges du sida ou un truc comme ça. Le trouve sur internet. Ils sont pas mal. À faire ce livre. Ils sont beaucoup. Et maintenant, ça s'avère une réalité. Oui, mais... ce qu'il dit dedans. C'est pas. Je suis d'accord avec toi, mais. De toute façon, on dit qu'il se transmet dans le sol, etc. Mais c'est un peu comme on dit que maintenant le Covid se transmet par les. Que le Covid se transmet par l'air. Si tu veux, c'est si tu veux faire le parallèle. Mais c'est la même histoire. Parce que les médecins disent. Ils ont tenté plein, le suicide, c'est pareil. Parce que le médecin dit que. Moi, j'ai un ami à Marseille qui est séropo, maintenant qui est séropo. Il n'y a pas le sida, mais il est séropo. Et. Bon, il est bien, hein, Il a plus de défense immunitaire. Oui, d'accord, on le sait ça. Oui, c'est ça. Mais le médecin qui s'occupe de ce genre de pathologie dit qu'il n'y a rien à faire, il n'y a que des médicaments à donner, mais que ça ne se guérit pas. Mais je n'ai pas dit que ça se guérissait non plus. Voilà, d'accord, on est d'accord. Sauf avec les électrodes électriques, peut-être. C'est juste au niveau que c'est. Ou avec l'eau de mer. Oui, avec l'eau de mer. Avec, voilà. Mais non. Parce que. On verra. Parce que moi, j'aimerais bien. En tout cas, les médecins, quand je l'ai essayé de contacter à Draguignan, c'est pas avec moi. Aucun intérêt. Quelque chose à lui dire. Tant que la personne, elle n'a pas épuisé toute son énergie pour que le corps puisse faire quelque chose pour qu'il se répare, il y a des possibilités. Mais c'est le cas, parce qu'avec les Épistémologiquement, Et c'est pas correct de dire que quelque chose n'existe pas. Tu peux pas, tu n'as même si tu dis la planète en forme de croissant ou je ne sais pas quoi, en forme d'arbre, tu peux pas confirmer que ça n'existe pas. Épistémologiquement, c'est pas possible. Par contre, si ça existe, tu dois l'éprouver. C'est-à-dire, il suffit que ça existe un élément comme ça, où tu peux trouver, quelqu'un affirme quelque chose et tu dis non, c'est pas vrai parce que j'ai trouvé quelque chose qui contredit ce que tu affirmes, et à ce moment-là, tu n'as pas de raison, mais tu peux pas jamais dire par exemple qu'il y a une maladie qu'on peut pas soigner. Parce que ça veut dire que c'est le Dieu qui t'a dit et j'ai interdit que cette maladie ne soit pas soignée. Je cherche pour cette amie qui est très bien. Les médecins disent que bon, bah, ils prennent des médocs et c'est ok. Mais je cherchais moi sur internet, mais il n'y a rien, c'est à part ce que j'ai vu des médecins qui contredisent le truc officiel. Mais ce que j'aimerais dire, ce que j'aimerais. Ok, c'est ok tout ça. Qu'est-ce que on peut proposer à des gens qui sont. À mon copain là, qui est au repos. Qu'est-ce que je pourrais lui apporter pour lui dire tiens, prends ça, essaye ça. Bah, je t'ai dit, tu peux sur l'internet ou à Lidl acheter un petit appareil TENS ou EMS, c'est-à-dire c'est stimulation électronique transcutanée, stimulation électrique transcutanée, machin. Ouais. Bon, soit EMS, électromassage, stimulation. Par stimulation électrique, ça coûte 29 euros, 4 électrodes, un petit appareil, sur l'internet en 30-50 euros tu peux acheter, et si tu fais ça, peut-être ça peut lui aider. Il faut faire, disons, 3, donc ce sont des électrodes, bah, différentes formes. Oui, ce sont des petits... C'est la machine pour faire les abdos, là. Ça peut être... Bon, donc, ça, c'est MMS. D'accord. Par contre, il y a l'autre qui est tense et qui agit. Et donc, il y a des vibrations de fréquences spéciales, différentes séquences. Et c'est, ça ne fait pas forcément débouger les muscles, mais tu sens le courant passer. Et pourquoi il est vendu, cet appareil? Qu'est-ce qu'ils disent? Bah, ils disent que c'est l'appareil de stimulation TENS stimulation. Ou EMS. Ouais. Et celui-ci qui est vendu à Lidl, il dit docteur, fonction docteur, mais il n'explique pas. Ouais, fonction docteur. C'est très fonction bizarre, docteur. Je cherchais là dans le truc. Ouais. Hein? Il y a une fonction de docteur, mais il n'explique pas qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire que quelque part, il suggère que ça peut soigner. C'est déjà, ça enlève les mal, c'est-à-dire quand tu as des douleurs avec ça, tu enlèves. Et sinon, moi, j'ai utilisé ça depuis 15 ans, j'ai donné à plusieurs personnes aussi, notamment avec les cancers. Bon, le cancer ils se sont soignés différemment, donc on ne sait pas si ça a joué rôle ou pas. Ce que je peux confirmer, mais pas avec les électrodes, mais avec l'électricité, c'est les clôtures électriques. Non, mais avec les électrodes. Bah oui, non, c'est 6000 volts. Mais, écoutez mon histoire, si vous voulez mieux. En 2009, j'ai travaillé à Vinon en tant que professeur au collège. Je rentre à la maison, j'ai la fièvre, je me déplace difficilement, c'est les grippes qui commencent. Je demande mon fils de m'accompagner à la clôture parce que je ne savais pas comment je vais réagir dans cet état-là aux secousses. Donc il y avait mon petit-fils, 2 ans, qui allait avec nous. Et c'est lui le premier qui allait attraper les trucs et tenait comme ça, très content. Donc moi j'ai eu peur parce qu'on a peur de l'électrocuter. Voilà. Donc, mais j'ai essayé donc comprendre à quel moment les rythmes. J'ai attrapé au moment où il n'y avait pas de courant. Quand on touche avec les doigts, ça fait une grosse secousse. Par contre, si on attrape comme ça, ça fait pas parce que c'est la surface est plus grande. Si on est chaussé et il fait pas humide, on sent pas même grande chose. Et pour ressentir les joues, mais à l'époque même, j'ai pas fait ça. J'ai fait 10 fois comme ça. Mais pour ressentir les joues, on enlève les chaussures, on touche à ce moment-là. Mmh. Ça nous jette en arrière la force. Et, comment on se sent bien, mais il ne faut pas faire ça si on a les cœurs artificiels ou je ne sais pas quoi. Voilà. Bon, en tout cas, j'ai rentré à la maison, je me suis couché. J'ai retrouvé, je n'avais rien contre la fièvre, mais bon, j'ai trouvé un petit reste pour les bébés, des trucs roses, là, je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc j'ai pris ça, mais c'était minuscule, donc ça n'a pas joué. Les matins, je me réveille et tout normalement, et après je me dis, mais bizarre, hier j'étais gravement malade, qu'est-ce qui se passe? Et après j'ai parlé à l'orgue, il y avait encore on vendait les découpes de la viande, là, comment ça s'appelle, la charcuterie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait une dame, cheveux courts. Oui, alors, d'accord. À Casino. Donc, je la vois un jour, parce que là, à l'époque, j'étais encore carnivore, donc j'ai acheté des jambons, je ne sais pas quoi. Et elle disait, vous avez l'air pas très simple, pas très bien. Et il dit, je couvre une grippe, je ne me sens pas vraiment pas du tout bien. Et je lui ai raconté mon histoire. Mmh. Et une semaine, je la revois, elle m'a dit, mais vous savez, c'est extraordinaire. Voilà, elle a dit ça. Ça fonctionnait de suite. Donc là, je n'ai pas d'autres témoignages parce que, bizarrement, moi-même, depuis des années, je ne suis pas malade. Je ne connais personne. Voilà, j'ai plus la grippe. Et c'est bizarre, mais c'est donc, il faut manger bio. Ça, je peux confirmer parce que mes enfants, dans la région parisienne, ils étaient tout le temps malades. Et mon dernier est né à Draguignan. Et avant qu'on se quitte, donc quand il avait 9 ans, il est parti en Corse habiter avec sa maman. Et il a vu la dernière fois les médecins quand il avait 18 mois. Il y avait cette contrôle obligatoire. Et depuis, il savait pas même à quoi ça ressemblait les médecins. Et il avait des maladies. Je le soignais toujours avec l'argent colloïdal, l'eau des mers, l'électricité. L'électricité d'ailleurs en premier, il adorait, il réclamait tout seul quand il y avait le rhumatisme, parce que quand on grandit, il y a des maux de douleurs, voilà. Donc il réclamait tout seul, on est parti en Grèce, on est revenu, on a dit tout le monde avait varicelle, et lui, justement, quand il partait, il s'est plaint de petits boutons, mais le lendemain, il n'avait rien. Et il était connu justement que le soir, il était malade, le lendemain, il était en bonne santé, donc voilà. Mais là, maintenant, c'est changé, apparemment. Je ne sais pas, je ne suis pas trop bien. Mais pour dire que moi, j'ai des confirmations que l'électricité, quand même, la vie a peut-être une partie de vie à cette côté facette électrique, électronique. Et on sait que les électrons, donc les potentiels électriques négatifs et très positifs, quand on combat par exemple les radicaux libres, on nous dit qu'il faut manger les fruits antioxydants, etc. Mais la méthode la plus simple, c'est enlever les chaussures et aller sur la terre qui n'est pas polluée énergétiquement. Donc apparemment, et dans la ville. On se stabilise. Donc ça veut dire négatifs qui sont positifs finalement, des ions positifs. On les prend. Et d'ailleurs, comme ça, la Terre, elle les récupère. Voilà, comme ça aussi, j'ai regardé un documentaire que je n'ai pas réussi à aller jusqu'au bout parce que c'était trop scientifique. Ça s'appelle l'histoire des vitamines B17. On n'entend pas parler, mais vitamine B17, c'est justement ce qu'on en a parlé hier. Oui, les cyanures des abricots, pépins, on mange dans les pommes. Ouais. Et c'est pour ça que c'est bien manger les pommes avec les trognons, avec tout. Oui, avec les pépins et tout. Parce que ça nous protège contre les cancers, quelque part. Ça, pour manger entier, oui. Voilà. Et on peut manger même les pommes pourries. Sauf s'il y a la pourriture, les champignons, la moisissure qui apparaît. Tant qu'il n'y a pas moisissure, c'est délicieux. Et c'est mes lapins qui m'ont appris ça. Quand j'ai apporté les pommes pourries à mes lapins, ils mangeaient seulement les pourries, ils laissaient les autres. Et je me suis dit, c'est bizarre quand même. Et j'ai goûté et c'était bon. c'est sucré, c'est bien. Et après, j'ai regardé un documentaire. Non, écoute, et en Angleterre, malheureusement, je n'arrive pas à trouver. Je pense que je n'ai pas rêvé de ce documentaire que j'ai vu. Mais j'ai vu un documentaire qui disait que dans les années 60, il y avait une épidémie des vaches, mais pas des vaches folles qui est les années 80-90, une épidémie des vaches qui mouraient au moment d'accouchement. Et ils ne savaient pas d'où ça venait. Par contre, ils ont remarqué que les vaches qui mangeaient les pommes pourries, ils n'avaient pas ça. Donc ils commençaient à donner les pommes pourries à toute la population, aux vachulations. Et les problèmes étaient finis. Donc moi, je ne sais pas. Ah oui, alors, comme tu dis, c'est peut-être une fermentation. Ou sortes de bactéries qui se développent. Ah ben, d'ailleurs, les chevaux, les cancers. C'est des bactéries pathogènes, normalement, c'est pas bon, justement. Voilà, donc ce qui n'est pas bon, effectivement. Il doit y avoir autre chose qui doit favoriser. Oui, donc ce que tu dis, c'est vrai. Voilà, ça c'est la chose très importante pour la viabilité des corps, on revient au début. C'est de ne pas manger des morts, des choses des morts. Parce que quand on mange les morts, il y a déjà les bactéries d'élimination qui se mettent, les terminateurs qui se mettent en route. Si on les ingère, et c'est difficile à les convaincre. Et attention, non, c'est là, il n'y a plus de votre travail, il ne faut plus continuer. Ils se sont mis en route et ils commencent à détruire tout ce qu'ils peuvent. Et les champignons, qu'on a les équilibres basico-acides, qui n'est pas acido-basique, qui n'est pas bonne, c'est le signal aux champignons, allez, la destruction, on se met en route et il y a prolifération de ça, et probablement le cancer, selon certains scientifiques. C'est aussi la défense du corps contre les candidats albinos, albicans. J'ai une question pour toi, Claire. Je fais un petit aparté. Bon, les étrangers le pain moisi, avec leur c'est bon. Le pain moisi, c'est dangereux. Alors justement, je non, mais ça, mais tu te trompes en disant, parce que je ne parle pas des moisissures, je parle des lactofermentations naturelles. Il y a la peau qui protège et il y a un mouvement, un frappe, quelque chose qui entame la fermentation. C'est vrai que je parlais de fermentation. Comme bah voilà. Ah oui. Mais quand tu as dit tout à l'heure, oui, mais quand c'est moisi. Il ne faut pas, justement, j'ai dit quand c'est moisi, il ne faut pas. Le moisi, c'est un antibiotique. J'ai connu des moines en Bretagne, ils mettaient les pâtes, ils faisaient cuire les pâtes, ils les mettaient dans les murs. Que c'était pas chauffé, c'était humide et tout, pour qu'ils moisissent et se nourrissaient de ça, pour s'empêcher de tomber malade. Ah bah tu vois, donc c'est pas toujours moisissure qui est mauvaise. Alors le pain, tu peux l'ingérer, c'est comme la pénicilline. Voilà. Ouais. Et eux, ils le fabriquaient, ils se mettaient les pattes dans le mur, dans les vieux murs du monastère où ils étaient, et se nourrissaient de ça. C'est une belle histoire. Pas tous les jours, bien sûr, mais souvent. Oui. On mange les fromages. Pour ne pas tomber malade. Voilà, avec la moisissure. Oui, c'est la moisissure. La moisissure, c'est rien d'autre que des champignons. Voilà, c'était maintenant que les moisissures sont pas plus. Il y a des bons champignons et pas bons. Tous les champignons sont comestibles, mais certains nous mangent seulement une fois dans la vie. L'état dans lequel tu es, où tu vas pouvoir transformer, tu vas pouvoir ton corps va lutter, si c'est pas bon, tout. Et puis ceux qui sont trop faibles, ceux qui ne peuvent pas, et qui vont tomber malade sur quelque chose que chez d'autres, ça va être bénéfique. Oui. Hein, ça dépend de l'état qu'on est. Bah oui, on utilise certaines maladies pour soigner d'autres. Par exemple, j'avais des lapins. Et c'est étonnant, c'est les lapins qui m'ont appris tellement de choses dans la médecine, c'est incroyable parce que déjà un mois après que j'ai fait venir les 10 juillet 2009, après l'école, terminaison de l'année scolaire, on allait avec les enfants, j'ai acheté 4 lapins, et déjà un mois après, ils avaient une myxomatose. Donc, comment les soigner? Les larmes, donc les soigner avec l'électricité. Ah voilà, ça c'est une bonne chose, ça c'est le son des lapins. C'est que l'électricité, c'est que je parle de la clôture électrique. Bon, mon fils s'est sacrifié, il attrapait les câbles, il mettait la main sur les lapins que je tenais comme ça. Donc le lapin était au bout de chaîne? Non, moi j'étais au bout de chaîne, il était dans mes bras, mais l'électricité partait par lui et c'était rien, ça faisait pas souffrir. Et donc il était donc myxomatose, pour rappel, c'est la maladie qui est provoquée par certaines bactéries et qui fait que lapin perd la vue et il y a des eczémas ou je ne sais pas ce que les gencives qui font qu'il n'arrive pas à manger. Il est immobilisé, il attend la mort, il meurt de faim finalement. Et dans la myxomatose. Et moi, avec l'électricité, il était déjà, donc les oreilles, les yeux, tout était atteint, il était tout malade. On les a fait comme ça avec mon fils, je crois pendant 2 semaines. Il y avait le 3 septembre, l'anniversaire de ma fille, les lapins couraient comme ça, tout contents dans les choses sans problème. C'est-à-dire, on avait l'impression qu'il était guéri. Par contre, l'année scolaire est arrivée. Mon fils, il ne pouvait plus y rentrer des collèges qu'il avait à Draguignan. Donc, il était trop fatigué. Il ne voulait pas. Donc, on a arrêté. Ah. Et c'est revenu. C'est-à-dire, ça nettoie les corps. Par contre, si on est dans l'environnement qui est toujours chargé des pathogènes, on les reprend. Voilà. Donc, ça ne soigne pas. Ça nettoie seulement. Donc, par contre, j'ai réussi. Donc, il y avait un lapin qui est mort. D'ailleurs, il est mort parce qu'il se noyait dans la piscine. On ne voyait rien. Et ça, c'est le... Ça reste sur ma conscience. Parce que si je n'étais pas paresseux, si j'avais 5 minutes plus tôt, peut-être... Parce qu'il était encore chaud, tu sais. Voilà. Plus sauvé, bon. Donc, j'étais tellement fatigué après les collèges, j'ai travaillé à Avignon, que je n'ai pas fermé la petite portail. Voilà. Ouais. Donc, mais après, il y avait le deuxième qui était mort aussi, mais les deux derniers, j'ai réussi à soigner, devinez avec quoi. C'est-à-dire, j'ai essayé avec l'argent colloïdal, mais je me suis mal pris. L'eau de mer, je ne savais pas encore. Je l'ai soigné en les nourrissant. Simplement. C'est-à-dire, ils meurent de faim, mais si on arrive à les soigner pendant 3 semaines, après ils trouvent leur anticorps et ils se... Voilà, donc ils n'ont même pas maigri. Je les bourrais parce que c'était les derniers qui sont tombés malades. Je les donnais à bouffer, tant qu'ils étaient encore pas touchés. Et après, je les soignais avec les fans de carottes et avec des épluchures de carottes. Et ils... Il aspirait comme ça, comme spaghetti d'un côté et après de l'autre. Et d'abord, il y avait, et ça c'est terrible, hein, il y avait d'abord la fille qui était malade et c'est les garçons qui la léchaient tout le temps, qui la soignaient, qui étaient autour d'elle très, très tendre. Et après, c'était son tour, elle est sortie des maladies et lui, elle a soigné en lui arrachant les parties malades, donc il avait des oreilles tout amochées. Vraiment, elle n'était pas tendre du tout avec lui. Elle l'a soigné à dur. Mais tous les deux lapins ont sorti voilà, de cette maladie. La fille, après, donc le garçon, il est mort parce qu'il a mangé des glaces au cacao. Enfin, il avait une faiblesse et ça, il ne fallait pas les donner. Mais bon, mon ex-épouse... Ouais. Elle lui donnait à manger. Et après, il y avait plein de bébés, donc j'ai appris encore d'autres choses parce qu'on n'a pas vécu encore VHD à l'époque. VHD, c'est ce qu'on appelle Ebola des lapins, donc viral hémorragique disease, et où les premiers symptômes, c'est qu'on trouve les lapins morts avec quelques gouttes du sang dans les nez. Et ça, c'est donc la fièvre hémorragique qui provoque l'hémorragie dans les poumons. Et donc, j'ai trouvé un lapin mort comme ça. Et à ce moment-là, j'étais dans l'eau de mer, déjà. Et je savais, donc là, j'ai trouvé un lapin mort, les autres se comportaient normalement. Les matins, je regarde et il y a un lapin qui est un petit peu plus timide. Il se battait toujours entre les deux mâles et là, il était un petit peu comme ça, plus tranquille. Donc ça m'a interpellé, j'ai revenu une heure après et je l'ai trouvé. Et il était déjà, il n'arrivait plus à se relever, il essayait de se relever, il tombait. Et, bon, je l'ai pris vite fait, je me suis dit, j'ai regardé une vidéo sur René Descantons et on va lui injecter l'eau de mer. Donc l'eau de mer, j'en avais en dilution parce que mon ex-épouse, ça fortifie, ça permet d'être dans la concentration apparemment. J'avais quelques ampoules. Et j'avais la voisine qui avait souvent les visites des médecins pour se faire des piqûres. Allez, boum boum, elle m'a donné une toute petite seringue et j'ai commencé, hop, je lui mettais, je lui mis un petit peu, mais bon, je ne sais pas, 20 millilitres, 40 millilitres, je ne sais pas. Je suis allé vite fait à la pharmacie, j'ai racheté de l'eau de mer et j'ai commencé à lui, je ne savais pas combien. J'ai commencé à lui pomper, faire des injections de l'eau de mer. Et je me suis dit, la nuit, je ne dormais pas, j'étais en stress parce qu'il était amorphe, allongé comme ça. Bon, il a survécu les premiers jours. Bon, je vais continuer. J'ai fait premier jour, deuxième jour. Il était comme bébé. D'ailleurs, après, pendant 2 mois, je l'ai changé les côtés. Il faisait pipi, il mangeait. En étant allongé, par contre, il ne pouvait rien faire d'autre. Ça, c'était le mois janvier. Et donc, je me suis dit, à quel moment je m'arrête? Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que je dois aller pomper tout le temps? Et j'ai une idée de génie. J'ai fait la recherche sur Internet, protocole Quinton. Justement, c'est le mot magique, protocole. Et je suis trouvé, et là-bas, j'ai fait les calculs, c'était 12 millilitres de plasma de Quinton, donc ça veut dire de l'eau isotonique, diluée déjà, l'eau de mer diluée, et par kilo de corps. Donc j'ai compté vite fait, pendant 3 jours, je lui donnais une dose d'un tigre, ça, pas un petit lapin d'un kilo ou de 2 kilos. Mais voilà, je me suis arrêté là, 2 mois il était comme ça. Après le printemps est arrivé, j'ai commencé à les sortir dans la nature et je m'ai fait piéger. Ça veut dire, je me suis dit, il a survécu, ça veut dire il a vaincu le virus, tout va bien. Et non, je me fais avoir. Tous les lapins, il y avait encore 3, et lapins lévitaient, parce que ça c'est l'instinct, quand il y a quelqu'un malade, l'instinct c'est, voilà, on les laisse isoler, mais il y avait un gentil lapin qui lui venait lécher les yeux, et parce qu'il avait les yeux abîmés, parce que normalement quand il était amorphe, il ne pouvait plus se nettoyer, l'hygiène il faisait pas. Moi j'ai essayé de lui nettoyer les yeux, mais je n'ai pas réussi à faire correctement, donc il avait une inflammation. Donc c'est gentil. Et lapin s'occupait de lui et celui-ci il commençait à se débattre il aimait tellement rester dans les jardins que quand je les prenais pour amener à la maison il commençait à se battre et en 7 jours il s'est mis à se déplacer et il restait dans les jardins. Je devais par contre les couvrir parce qu'il y avait des pies qui essayaient de venir les grignoter. Et comme ça, il a vécu encore un an et demi après. Par contre, les lapins gentils, des fois ça ne paye pas. Je rentre avec les enfants de l'école et je l'ai vu une heure avant. C'est qui devrait me faire l'alerte que normalement j'ouvrais les jardins et les lapins sortaient des jardins à l'extérieur. Et lui, cette jour-là, il n'a pas sorti. Donc ça devrait me faire réfléchir, mais quand même une heure avant je suis venu regarder si tous les lapins allaient bien, on avait l'impression qu'il allait bien, une demi-heure ou une heure après je rentre avec les enfants, il est mort déjà, voilà. Donc ça c'est la deuxième surprise, donc et la conclusion c'est que l'eau de mer encore une fois, ça permet au corps de vivre avec les... C'est les cellules qui sont tellement boostées que le virus ne peut rien faire, mais les virus existent, l'animal devient porteur sain. Voilà. Par contre, je mets une injection au dernier lapin, et ça va, il n'avait aucun problème. On a encore le temps. Voilà, donc ça c'était les lapins qui m'ont appris. C'est le premier qui était qui m'ont appris beaucoup de choses. Et après, en 2014, la fin 2014, j'ai travaillé à la Maison de la Nature et avec une. Oui. C'était la période où il y avait Ebola qui commençait en Afrique, notamment en Libérie et en. Sierra Leone. Et nous, on s'est dit, voilà, on va essayer de faire quelque chose. On a trouvé à Nice, il y avait une personne qu'on a contactée. Je ne sais pas comment on a pris les contacts. Elle a dit, oui, déjà, moi, j'ai fait l'action avec les chlorures de magnésium. Mais par contre, la chlorure de magnésium, c'est... Vraiment, il faut. Moi, j'ai jamais réussi à boire une gorgée de ça. C'est tellement terrible. Donc, ça n'a pas marché. Mais on a pris les contacts avec les missions catholiques là-bas. On les a dit. J'ai expliqué mon protocole et mon protocole était de ne pas injecter l'eau de mer parce que on n'a pas besoin de pour faire passer dans les liquides. On n'a pas besoin de boire, il suffit qu'on garde dans la bouche l'eau de mer pendant 30 minutes, 40 minutes. On sent d'ailleurs qu'elle s'adoucit, elle n'est plus aussi salée. Et les sels entrent dans les flux dans les liquides lymphatiques. Et à mon avis, c'est pareil. Donc j'ai lui parlé de ça. Après, l'épidémie est rapidement disparue. D'un seul coup, au début de 2015, sans attendre, parce qu'il prédirait les mille des personnes mortes, ça s'est arrêté, tout net. Donc j'ai essayé de contacter la personne, mais elle était discrète, elle ne voulait rien dire, la personne. Et j'ai fait une recherche sur l'internet, j'ai rencontré un site qui disait « Buvez l'eau des mers, il n'y a pas de mieux pour contre le Covid et contre l'Ebola à l'époque. » Donc je ne savais pas jusqu'à le moment de Covid et où j'ai cherché. Non, j'ai fait encore la recherche Ebola, l'eau des mers et je suis tombé sur un article dans New York Times dans lequel il disait les surfeurs de Sierra Leone n'étant pas malades. Ils craignent pas ils arrêtaient pas de faire leur activité sportive dans la mer et apparemment aucun d'entre eux n'était pas victime. Et quand il y avait les Covid, je me suis dit, bon, je vais faire la recherche Covid, l'eau de mer, et je suis tombé sur une vidéo sur YouTube, peut-être vous allez les trouver, un Africain qui disait, n'écoutez pas ces fous qui boivent l'eau de mer, tous ceux qui boivent l'eau de mer en pensant qu'ils vont se soigner des Covid et des choses comme ça. Donc pour moi, c'était les signes que le message est passé. Et en Afrique, les gens, ils savent qu'il faut boire l'eau de mer, pour se soigner des différentes maladies virales. Voilà. Qu'est-ce que vous conseillerez de prendre nous, pour l'immunité en général ? À part le doliprane, donné par le gouvernement. Surtout pas doliprane. Avec le Covid ? Avec le Covid, donc moi, c'est découper des sources de stress de la télé, de manger correctement, de ne pas chercher en soi la maladie, est-ce que je suis malade ou pas. Moi, j'ai eu ça, pour l'instant, c'est pas le moment pour la digression, comme ça. Et les électrodes pour soigner. Oui, parce que cette électrode, c'est exactement. Et non, je sais pas. Va chercher TENS, T-E-N-S, électrostimulation. L'appareil, vous pouvez mettre Lidl ou Sanitas pour avoir ces produits de Lidl, mais sinon. Si vous prenez EMS ou la stimulation normalement, on utilise dans les hôpitaux contre les douleurs. C'est très connu. Mais là, alors, TENS, ouais. Donc à Lidl. Oui, par exemple, il y a une fois par an au moins, ils vendent les petits appareils pour 29 euros. Parce qu'à Lidl, ils changent à chaque fois leur truc là. Donc, voilà, voilà. Bon, il faut avoir la chance et tomber, sinon sur l'internet, on peut acheter. Lidl ou internet. Sinon, clôture électrique, c'est aussi bien si on a le courage. En ville, là-bas, il n'y a pas de clôture. Mais après, les clôtures, oui, ça dépend de la batterie que tu mets. Non, mais en ville, c'est comme il y a les. C'est pas standard, les clôtures ? C'est pas quelque chose de standard ? Non, pas du tout. Non, il y a les sangliers. C'est normalement 6000 volts. Ça se voit, elles sont plus fortes. Mais très peu d'ampères. Voilà, il n'y a pas. C'est une pique. Mon voisin faisait les yeux comme ça parce que je lui montrais que je prends. Non, pas le faire. Non, mais en ville, ils n'ont pas de clôture électrique. J'étais partie pour aller sur une clôture. Si, normalement, si c'est les câbles, normalement, c'est contre les sangliers. Donc ça c'est 6000 volts, ça tue pas. Et si on est... Oui, mais tu sais jamais quand tu vas attraper le fil, c'est qu'il y a la tension. Voilà, donc vous pouvez essayer, vous prenez un brin d'herbe frais et vous touchez comme ça et vous approchez petit à petit pour voir. Normalement, si vous touchez avec cette longueur-là, même vous n'allez pas sentir. Vous approchez un petit peu et vous voyez même... Et vous n'avez pas besoin d'attraper comme ça, il suffit que vous trouviez ce qui vous convient. D'accord. Et si vous êtes bien chaussé, normalement vous n'allez pas avoir oui, le... De toute façon, et par contre pour les chevaux, patate, mais pour les chevaux, c'est long et il y a plusieurs fils et ça c'est difficile parce qu'il y a toujours, voilà, on va avoir toujours une grande décharge. Voilà, donc... Bon, adieu Zora, peut-être qu'on va plus se lever. Non, voilà, moi donc. Je vois parfois quand ça panique, quand il y a des petites branches, des trucs comme ça, sur la barrière, sur les fils électriques, ça fait des flammes, ça fait des étincelles. Des étincelles, donc. Il a raconté un petit moustique, c'est pas assez puissant. Non, mais c'est pas fort, hein. Merci, c'est une la raquette anti-moustique. C'est quoi la raquette anti-moustique? Bah, c'est électrique, ça l'écrase. Ah, oui. Si quand tu touches, tu sens quelque chose. Donc, moi j'ai peur de toucher. Avec les électrodes, c'est qui est bien. Et c'est que. Que tu t'es promené avec, tu peux dormir avec, chez toi. Ouais. Et ça fait pas mal, tu peux régler l'intensité, les programmes, la fréquence, etc. Ce qui te convient. Et tu penses que ça peut marcher pour... Pour tout ce qui est viral, parce que je m'imagine un petit virus qui circule dans les sangs. À un moment, il reçoit un coup comme ça et il est mis en pièces. Voilà, par contre, il ne faut pas utiliser ça. Je sais, je fais des bêtises. C'est qu'il ne faut pas utiliser sur l'endroit où il y a des lésions. D'accord. Par exemple, s'il y a un bleu ou s'il y a un tissu qui est endommagé, il ne faut pas mettre parce que ça fait travailler les tissus et ça déchire. Hein. Si c'est tout est bien. Pour les défenses immunitaires, par exemple, on le met où? Ben, par exemple, moi, ce que je fais principalement, c'est, voilà, pour ne pas être embêté, je mets sur la jambe. Par exemple, je mets des électrodes en quatre électrodes en croix, deux comme ça. Ah ouais. Voilà, parce qu'il y a des blancs et gris, par exemple. Donc, je mets comme ça. Et bah, ça tient normalement. Que sinon, sur une seule on peut jambe, emballer. Que sur une seule jambe, ça va dans tout le corps. Voilà, ça va pas dans tout le corps. C'est le sang de tous les camps qui passe. Au moins, si tu fais 30, normalement, les programmes, c'est 30 minutes, mais tu peux mettre 40 minutes ou tu fais 3 fois par jour, je ne sais pas quoi. Et normalement, en 12 minutes, les circuits sont faits. Tous les circuits sont faits normalement. Ok. Et après, si jamais il fait des analyses, enfin, je ne sais pas, mais... Oui. Parce que tous les 6 mois, on lui donne des analyses à faire. On peut voir si il n'a plus rien. Les médecins, ils font les examens, ils vont dire. Donc, j'ai oublié à raconter, quand je cherchais cette histoire sur Robert Beck, je suis tombé sur un témoignage. Et racontons l'histoire d'un vieux farmer américain. on lui a détecté une maladie incurable, très très rare, qui avait un saint dont le nom, je ne sais pas, Saint-Jacob, Saint-Rénifère, je ne sais pas quoi, quelque chose comme ça. Les médecins, en tout cas, lui donnaient pas plus que 6 semaines de vie. Parce que vraiment, il tombait en vrac petit à petit. Mais quand c'était un farmer, il avait les bêtes, et il ne va pas abandonner son travail, il continuait. Et il s'est accidentellement, il s'est électrocuté, il a pris vraiment un très fort jus à sa clôture électrique. Donc les termes passent, il se sent mieux. Je sais pas, il va chez les médecins font les examens, et ben, monsieur, vous n'avez plus rien. Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que c'est vous ou quelqu'un d'autre? Mais il a fait la relation. Il s'est dit, bah, peut-être c'est ça. Et il avait un ami qui avait un cancer avancé, aussi une personne très âgée, et il a dit, allez, viens, de toute façon, tu n'as rien à perdre, essaye. Donc il s'est électrocuté plusieurs fois, et apparemment, son cancer est parti. Et ils ont parlé aussi, il y a d'autres témoignages, les gens qui se font électrocuter par les foudres. Ah ouais, moi j'ai... Mais léger, hein, léger, ouais. Pas direct. Apparemment, ils étaient soignés du cancer. Donc, il y a quelque chose, si on croit, c'est... Moi, j'ai eu des amis avec les cancers, mais personne ne voulait prendre les risques, m'écouter. Donc, je peux pas vous confirmer. Donc là, quand on parle du cancer, donc c'est pas un virus, donc là, c'est autre chose, en fait, qui fait la réparation. Voilà, donc l'histoire, c'est probablement que toutes ces maladies, donc l'argent colloïdal qui est utilisé aussi contre les cancers, et comment ça marche, et quand on fait correctement l'argent colloïdal, c'est une suspension ionique, c'est-à-dire c'est colloïdal, et moi je l'ai fait depuis des années, et donc on a des molécules, molécules qui sont chargées négativement, potentiel négatif, et qui se repousse. Donc les cellules du corps qui sont en bonne santé, ils ont aussi la charge négative, c'est-à-dire les molécules s'accrochent pas. Par contre, les molécules qui sont touchées, soit les radicaux libres qui ont perdu, donc il y a une protection des vitamines E qui est justement basée sur les électrons, et il perd un électron et comme ça il devient positif. Les cancers aussi apparemment il devient positif, et la vitamine B17 ça marche aussi de la même façon, et la tire, c'est-à-dire les charges différentes. Ça attire. Et apparemment, l'argent, une fois, c'est stérilant. On a utilisé les pièces de monnaie dans l'Antiquité pour empêcher les à tourner. Et une fois qu'il est avec la bactérie est, apparemment perd son métabolisme, sa respiration ne peut plus respirer. Donc ça, c'est comme si c'était nanotechnologie intelligente avant l'heure. Donc tu le prends comment, ton argent colloïdal? Donc chaque fois quand je me rase, aujourd'hui je ne me suis pas rasé, excusez-moi, et au lieu d'utiliser d'autres choses, j'utilise pas des crèmes. J'utilise pas de crème, j'en mets sur le visage. Tu mets sur le visage? Sur la peau. L'argent colloïdal. Tu le vois pas? Oui. Tu le vois pas? Ah bah j'ai... En bio, tu le vois? Je bois toujours en gardant dans la bouche pendant 30 minutes. Lequel tu bois, il y en a deux? Celui que j'ai produit moi. Non mais par exemple, selon quand ça sort. Si on devait l'acheter. Donc c'est mieux acheter en bouteille noire, parce que si tu achètes en bouteille transparente, la lumière et les photons entrent et enlève la charge. J'ai toujours trouvé en bouteille foncée. Michel Daubenin. Il était un artiste de l'argent, j'ai pas vu, il n'y a pas longtemps. Enfin, les petits trucs. Et les miracles. Oui. Il y en a deux aussi. Il y a argent colloïdal, exo. Il y en a deux. Je sais pas. C'est mieux français qui a des. si c'est par la densité, celui qui est plus dense. C'est le 20 ou le 15? Par contre, ce qui est important, que les molécules étaient petites. C'est le 15 alors? Petites molécules, c'est le 15? C'est PPI, comment on dit? PPI, donc ça veut dire que c'est par inch, c'est-à-dire par pouce, pouce carré. Donc ça veut dire que c'est mieux prendre celui qui est plus élevé. Ah, donc 20. Par contre, si vous voulez écouter l'éloge de l'argent colloïdal, de mes expériences, j'étais en Pologne avec mes enfants et dans les... Bon, j'ai acheté la petite bouteille de l'argent colloïdal pour ma cuisine qui habitait à 800 km et qu'elle avait les infections dans les genoux parce qu'elle faisait les skis et elle avait tout le temps des problèmes avec les genoux. Elle avait une infection qu'elle n'arrivait pas à soigner. Donc j'ai acheté pour elle, mais le problème était que mon fils m'a mis le doigt dans l'œil et il m'a endommagé les cornets. Et comme c'était déjà la troisième fois dans ma vie que ça m'arrivait, et les soins, ça dure 2 ans, et 1 an et demi, parce que le problème, c'est que quand on dort, ça sèche et les cornets collent aux paupières. On ouvre les yeux, ça se déchire de nouveau. Ah, oui. Donc ils mettent d'abord les antibiotiques pendant un certain temps, après vitamine A en pommade, et il ne faut pas oublier, tous les soirs, il faut mettre la bonne dose dans l'œil pour que ça ne colle pas. Donc ça durait une fois 2 ans, une fois ça durait 1 an pour moi, et là, ça m'arrive 3e fois, c'est terrible, je ne sais pas quoi faire. Et je vais chez les médecins en Pologne. Donc, malheureusement, je n'avais pas la carte vitale européenne. Donc ils m'ont chanté 120 € pour la consultation. Je me suis dit, ne vous inquiétez pas, je sais quoi faire. Je vais à la pharmacie, s'il vous plaît, vitamine A en pommade. Et excusez-moi, quoi, vitamine A en pommade? Ça n'existe pas, jamais entendu parler. Bon. Je rentre à la maison, je me pose la question, qu'est-ce que j'ai fait? Et je me rappelle la petite bouteille de l'argent colloïdal. Bon, je vais essayer. J'ai pris sur le doigt, propre, quelques gouttes. Et donc ça, c'était vers 10h le matin. À 16h, je me suis dit, ça y est, je crois que ça va marcher. Et en 3 jours, c'est parti. Après encore, le même fils m'a mis un coin de bouquin dans le même œil. C'est pas grave, la même opération, et c'était réglé, et vraiment, oh, c'était miraculeux. Bien. C'est très ancien. Et après, il y avait encore une histoire. Ah oui, j'étais en colonie des vacances en tant qu'animateur, et je conduisais, on l'appelait ça les vannes, donc les camions pour transporter les enfants, et il y avait les chaleurs énormes et j'étais fatigué. Je sortais des voitures et j'ai fermé la porte en laissant la main dedans. Donc je me suis écrasé carrément, il y avait plein de sang, plein de trucs. Bon, ce que j'ai fait, j'avais l'argent colloïdal avec moi parce que là maintenant je ne me quitte pas. J'ai toujours l'appareil des électrodes et la bouteille de l'argent colloïdal avec moi. J'ai mis, et j'étais étonné moi-même, moi, parce que le lendemain, 2 jours après, carrément, il n'y avait plus rien. Même je ne pouvais pas demander les gens, consoler, s'il vous plaît, regardez, je me fais du mal. Je ne pouvais pas parce que j'avais plus de mal. Voilà. Donc ça marche bien. Ça arrête le son tout de suite. Ouais. Voilà, donc là, l'eau de mer, c'est sciatique. Énormément de choses. Les sciatiques, j'ai vécu un sciatique parce que j'étais condamné par un policier qui m'a verbalisé pour les choses que j'ai pas fait. Bon, disons que j'étais en double fil et j'ai pas réussi à convaincre les juges qui disaient oui, on sait. il n'y a pas des codes, il m'a condamné des codes qui concernaient d'autres choses que vous avez fait, mais c'est pas grave, voilà. Donc, et après j'ai poussé une machine à laver et ça m'a craqué. Pendant quelques jours je faisais rien, mais au moment où on n'arrive plus à dormir et plus marcher, parce que j'avais vraiment tel mal que je n'arrivais pas à me lever, c'était une souffrance totale. Et je me suis dit, peut-être je vais essayer l'eau de mer. Et j'ai pris une dose solide. J'ai pris 60 ml le soir. En une heure, tous les 20 minutes, je prenais l'eau de mer fort, c'est-à-dire que c'est l'eau de mer hypertonique. Oui. Et le matin, déjà, je me suis dit, ça marche très bien. J'ai continué pendant 3 jours, c'est parti. Et après, il y avait à l'époque un homme qui vendait les pains au marché de l'or contre autres, carnets de mort, les bio. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait un garçon avec les cheveux courts encore. Et un jour, il faisait marché dimanche à Salerne aussi. Je le vois, il était assis, il pleurait. Et j'ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Et il a dit, moi, je ne peux pas bouger, je me fais prendre par sciatique, je ne peux pas travailler. Et donc, je lui dis, d'accord, les mardis, pour le marché, j'ai acheté l'eau de mer, je lui ai apporté une boîte. En 3 jours, je lui ai expliqué tout. Et pour lui, ça marchait aussi très bien. Donc, l'eau de mer, a priori, consommée de cette façon-là, ça nourrit aussi les cellules de cette façon-là. Elle donne tous les matériels pour la reconstruction. Après, il suffit de dormir. Parce que les médecins, c'est le meilleur. Quinton, il avait ouvert ses centres. Dispensaire marin. Il faisait des injections, l'eau de Quinton, indirectement. Et il y a 60 ans, en France, on a enlevé la sécurité sociale dessus. Et puis après, ils ont carrément interdit parce que ça soignait et qu'ils ont décidé que c'était le pharma qui devait soigner. Donc, Quinton a été interdit. Voilà, donc voilà. L'histoire, donc c'était ça. Pas interdit. Bon, l'histoire, si vous voulez bien. En injection, j'ai étudié. Calmement. Hein. Donc, effectivement, et dans les années. Il y a des livres. Effectivement, on ne peut pas trouver ça, c'est tout est vrai. Il y avait à Lyon un médecin qui s'appelait Jean Joricot, qui était le chef de la clinique là-bas, et il soignait surtout les enfants et les personnes avec les déformations graves. Les enfants prénaturés ou avec les déformations, non-développement cérébral, etc. Il les piquait tout. Et il y avait dans les années, avant les années 20, pendant la Deuxième Guerre mondiale, Première Guerre mondiale, il y avait les typhus et les choléras. Il y avait des bébés qui mouraient par milliers, on les a sauvés avec ça. Je connaissais une sage-femme, la personne qui travaille à l'hôpital, une ours. Infirmière, qui m'a dit que c'était dans les années 70, c'était les premiers réflexes gastro-entérite chez les enfants. Les problèmes des enfants, on faisait tout de suite injection, et dans les Vidal, encore en 1975, on les liste en disant qu'il n'y a pas des effets secondaires. Il y avait toute une longue liste de situations dans lesquelles ça agissait. Moi, je sais quelle est la contre-indication, c'est allergie à iode. À l'époque, ça n'existait pas encore, probablement. Et moi, je l'ai sais parce qu'il y avait une personne qui a écouté mon conseil et l'a pris. Et l'eau de mer s'est trouvée en urgence et tout gonflé. Et dans les années 82, c'était remboursé par la sécurité sociale. Et après, ils ont perdu les MMA. Autorisation de mise en marché. Ils ont une interdiction. Mais ils ont perdu l'autorisation, ils n'ont pas fait la démarche. Non, les Big Pharma, ils ont décidé que c'était fini. Donc là, maintenant, peut-être oui, mais à l'époque, ils n'ont pas fait le nécessaire. C'est-à-dire, le laboratoire Quinton, ils se sont endormis, Et après, ils ont dit, bah, de toute façon, on va vendre en tant que les trucs alimentaires, là. Donc maintenant, on en trouve encore. Enfin, on peut avoir des injections. Mais non, c'était fait par soi-même. Par... des copains, copines non, bah, non. Par service soignant, mais des gens qui sont holistiques, quoi. Mm. Hein, une infirmière qui... Bah, normalement... voilà, il y a des ostéopathes, des choses comme ça, des gens qui peuvent faire... Parce que c'est stérile, hein. C'est stérile et tout, donc... Mm. Même si c'est en intramusculaire, mais... Donc normalement, quand on tient les tions sous superfusion, on utilise c'est les produits là, et ça les PPI machin, c'est, ils nourrissent les gens avec l'eau des mers sans les dire, les militaires, et sur les champs de bataille où il n'y a pas la possibilité de chercher les sons de remplacement pour faire la transfusion, ils font la transfusion avec l'eau des mers. Les témoins de Jéhovah, Oui. Qui n'acceptent pas les sangs, ils font les transfusions avec l'eau des mers, c'est-à-dire avec la plasma de Kenton. Puisqu'il y a l'histoire du chien, il avait enlevé, voilà. Hein, voilà, donc il y avait son expérience avec voilà, le chien. Bon. Mais ça, après, ça soigne un des amis que j'ai connus, un ostéopathe qui a le mal au dos, beaucoup de sport. Donc il a eu les injections, mais ça n'a pas suffi. Il n'y a pas l'udicotinie qui passe autre chose. Oui. Là, principalement, c'est pas à tous les coups, c'est pas miracle. Oui, mais bon, ça aide pas mal. Ça fait, voilà, il y en a peut-être 5, 6, 7 sur 10 avec les hernies, avec les hernies discales. Ouais, ça, on les fait, mais pas avec les injections, mais avec les... Justement, ils sortent, il y a plusieurs petites aiguilles. Oui. Et on fait la super machin. Superfusion. L'araignée, la pieuvre. Voilà, donc, pour ça. Sinon, voilà, on peut utiliser nos mains aussi. Alors, pour soigner. Ça, c'est aussi terrible. Il y avait donc dans les années 70 en Pologne, parce que bon, c'est connu des siècles, mais chaque fois on l'appelait différemment. Et au 19e siècle, par exemple, on appelait ça magnétisme animal. Et aujourd'hui, on appelle ça la thérapie quantique. Et avant, bon, on disait imposition des mains. À chaque époque, on trouve un autre nom. Mais bon, en Pologne, ces gars, ce monsieur, c'était un retraité militaire. Et dans les années 70, il avait un sciatique et il s'intéressait un petit peu au cerveau parce qu'à l'époque, on découvrait qu'il y a des parties du cerveau qui correspondaient aux organes. Et lui, il avait ce sciatique terrible, il s'est trouvé à l'hôpital avec et il s'est endormi avec la main sur la tête. Et il s'est réveillé une demi-heure après et il a dit, mais c'est étonnant, j'ai plus de mal. Et après, il a fait la recherche et il a établi, bon, il a donné des cours gratuitement, on a écrit un script gratuit qui était diffusé en polonais parmi les gens, et dans lequel il expliquait, il y avait plusieurs différentes positions, il mettait la main comme ça, ou ça, comme ça, et selon ça, il y avait différents organes qui étaient stimulés par ça, et il appelait ça BSM, qui pourrait se traduire quand les feedbacks, donc les feedbacks cérébrales par la bioémanation. Donc, c'est bioémanation que j'aime bien parce que c'est différent que le magnétisme. Parce qu'on ne sait pas si c'est magnétisme ou quelque chose d'autre. Bon, en tout cas, émanation, ça peut contenir beaucoup de choses. Donc, j'ai connaissé ça depuis longtemps, mais je me suis dit, bon, rester, parce qu'il préconisait au moins la première fois de rester 40 minutes avec la main sur la tête sans bouger. Je me suis dit, bon, je tiens 2 minutes, et après, bon, la main tombe, on ne peut plus. Et jusqu'à le moment où j'ai compris que justement il faut être allongé. Quand on est allongé, on peut tenir la main tranquillement. Et quand j'avais une autre fois les sciatiques, je me suis dit bon, pourquoi pas mettre la main ici et ici. J'ai resté comme ça et j'ai senti la chaleur et c'est, ça passait, ça marchait. Et après, ma première victime, c'était Manu, l'ancienne directrice de la Biocop, là, Manu, qui est, on a fait ensemble un stage et de préparation des projets. Et elle est venue une fois, comme ça, moi, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je me suis réveillé avec un terrible mal au dos, c'est pas, je me sens pas bien. Et moi, elle dit, ah, attends, je vais t'enlever ce mal-là. Et moi, je prenais pas ça au sérieux. Hein, dit. Et parce qu'à l'époque, je me soignais pas encore de mon sciatique. C'était justement, j'ai entendu parler. Et il y avait une personne qui était en retard, donc on attendait. Allez, je vais te soigner. Donc je lui ai mis la main sur la tête et sur le dos, comme ça. 20 minutes après, j'ai changé parce que ça me faisait mal, encore 20 minutes. Et il a dit, mais tu sais, ça, je ne sens plus rien. Et c'est parti. Et après, après la pause des repas, et on se met à table et elle commence à faire comme ça, en tout rigolant. Et elle me dit, mais arrête parce que de nouveau, tu vas avoir mal au dos. Mais elle me dit, non, ne t'inquiète pas, tout va bien. Et je me suis dit que peut-être c'est pas seulement soigne la douleur, mais peut-être ça donne aussi une sorte de vitalité, d'énergie. Parce que c'était étonnant, je l'ai jamais vu comme ça, parce qu'en plus elle est très. C'est difficile même l'approcher des fois, non? Elle est pas facile de l'approche. Voilà, donc, et après, en colonie des vacances, et les animateurs, ça vient du monde du sport, ils ont tous le dos cassé, donc j'ai pu m'entraîner, et ça marchait à 80%, ça marchait très bien, avec différentes relations. Il y avait une fille qui disait qu'elle avait des tremblements, mais la plupart du temps, on sent la chaleur. Et les mâles, il y avait une personne qui me disait, ah, les mâles s'est déplacé de l'autre côté. Donc là, ah oui, il s'est mis au milieu et on arrive comme ça. Et après, donc j'ai eu des cas, par exemple, il y avait une fille qui avait une personne âgée déjà, qui avait un traumatisme après l'accident. Et encore une formation, parce que les animateurs, ils sont souvent les formations. Et elle était d'accord, je l'ai tenue comme ça, seulement 20 minutes. Et après, je l'ai demandé une semaine après, est-ce que ça va ton épaule? Elle m'a dit, mais de quoi tu parles, ça durait vraiment un moment avant qu'elle se rappelle qu'elle avait quelque chose. Voilà, donc c'est aussi efficace et pour beaucoup de choses, surtout pour enlever la douleur. Et après, on ne sait pas, c'est aussi l'harmonie, probablement. J'imagine qu'il y a des canaux internes qui sont bloqués. On passe par, on fait connexion et court-circuit à travers des mains. Voilà. Et on peut, voilà, ce qui est important, c'est sur nous, surtout, on peut faire. Voilà, hein, c'est quand la méthode d'auto-guérison. Voilà. Voilà, donc je pense qu'on pourrait encore dire beaucoup de choses, mais peut-être c'est votre tour maintenant. Je vais boire quelque chose, si vous permettez. 17h20, oui. 17h20, oui. Aujourd'hui, ça vous fait rien. Merci beaucoup pour votre attention. Je peux connaître l'histoire des robots et des poussins. Voilà. Donc ça, parce que justement, il y a quelque chose, il y a quelque chose de mystérieux qui n'est pas admis par la science officielle et qui a peut-être quelque chose, un lien avec cette champ morphique qu'on dit, ou peut-être avec les puissances de notre volonté, je ne sais pas. L'expérimentation, vous allez trouver, si vous tapez sur l'internet poussin robot, vous allez avoir une vidéo qui explique ça. Mais je l'ai dit rapidement, un chercheur français éthologue qui s'occupe des comportements des animaux. Et donc on sait bien que les poussins, d'ailleurs les oiseaux, les premiers objets qui bougent et qui émettent les sons, il est considéré comme sa mère. Si, par exemple les ballons de football ou n'importe quoi. Et donc lui, il a fait ses robots. Enfin, ça a dit un robot qui émet un son et qui se déplace de manière chaotique. Donc il y a un algorithme qui les fait bouger dans n'importe quelle direction. Donc il a mis, donc il y avait une grosse table, un plateau. Il a mis les poussins dans une cage d'un bout. Il a mis au milieu le robot qui s'est mis en route et les robots, ils bougeaient de manière chaotique. Par contre, les bébés, il appelait la maman. Bon, j'ai des larmes dans les yeux parce que c'est quand même extraordinaire à voir ça. Et les robots, par un détour, ils commencent à s'approcher, ils terminent à la caisse. Et il a fait, donc, il a mis les papiers, il a mis les crayons qui est attaché au robot. Et il a fait 600, ou je ne sais pas, pendant plusieurs années, avec dans les différentes situations. Ça y est, robot tout seul, robot avec un poussin qui n'était pas lié affectivement. Et la conclusion était que des fois et demi plus souvent que d'habitude, le robot se retrouve devant la caisse, il va dans la direction des bébés. Donc ça veut dire que quelque part, on a ce qu'on dit la loi d'attraction, la puissance de la volonté, ça existe quelque part. On peut les voir dans notre vie quotidienne parce qu'il y a des fois des miracles qui nous arrivent, mais voilà. Et même les animaux ont cette puissance, et pour moi c'est le signe qu'il y a quand même une sorte d'énergie supérieure, d'intelligence supérieure qui a le pouvoir en plus sur les hasards, au moins si c'est pas la matière, mais bon, quand le monde c'est rien d'autre que hasard qui est maîtrisé par les lois, c'est finalement, parce que même apparemment, et dans mathématiques on fait dégénérer des ondes et aléatoirement, il y a toujours un schéma qui se forme. Donc c'est la probabilité quand même est importante. Moi, j'étais toujours nul en mathématiques. Non, j'étais pas nul en mathématiques, mais on avait justement changement de professeur génial au lycée au moment où on a commencé à travailler la probabilité. Et l'autre nous racontait des histoires comme moi je vous raconte, au lieu de s'occuper d'enseigner la mathématique dans le genre, réellement je ne sais pas qu'est-ce que c'est cette probabilité. Non, je vais faire des courses. Oui, bon, mais prends ton temps, hein. Voilà. Merci, ce nuage. Pour moi, c'est un énorme plaisir de rencontrer des personnes qui aiment, qui me laissent parler. Des choses comme ça bizarres. Hein. Voilà. Et peut-être vous avez des expériences comme ça, des choses extraordinaires qui peuvent nous apprendre. Moi j'ai encore avec les calculs. Et j'ai raté une histoire aussi ici avec l'argent collecté. Bon, il y a des choses encore qu'on peut raconter. Et c'est étonnant, c'est des fois, c'est une intuition qui nous donne, voilà, et pourquoi on ne fait pas comme ça. C'est pourtant évident, tout le monde pourrait le faire. Oui, c'est vrai. Avec les calculs, et moi, pour moi, c'était que se mettre, faire la torche, se mettre. Beaucoup. Merci à vous. Oui. À demain. Oui. Demain. Moi aussi après. Oui, on s'appelle, on se retrouve, on s'appelle. Voilà, donc on s'est mis, on laisse pas que les calculs essayent passer. Non, on s'est mis comme ça, on les fait. Attends, je dis l'horaire. Par contre, il faut boire beaucoup de l'eau. pour ne pas que ça soit pas les problèmes. Non, je et donc moi, c'est pas pour non, ces calculs-là, mais j'ai fait une fois parce que je récupère les légumes. Un quart d'heure avant, 10 minutes avant. Un quart d'heure. À la Biocoop. Et il y a des années, à l'époque, il y avait deux gros cajots des oranges qui étaient en une partie pourrites. Et mes enfants, ils voulaient pas trop dimanche. Toucher. Au revoir, au revoir. Donc j'ai pendant deux jours ou trois jours, je n'ai mangé rien que des oranges. Et comme ça, tout le temps, jusqu'à le moment où j'ai commencé à faire pipi noir. Et j'ai pris peur et je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Donc, et après, des années après, j'ai eu les calculs. Donc les calculs, et je les fais sortir grâce à la musique, grâce au bol tibétain. Mais sur l'internet, j'ai entendu parler les bols tibétains. Donc j'ai téléchargé les trucs de la musique des bols tibétains. J'ai écouté un petit peu, mais bon, c'est fou, non, ça peut pas marcher. Comment? Et c'était copié sur une clé et SIM, les petits clés. Donc pour ne pas les perdre, je l'ai mis dans un baladeur comme ça, enceinte comme ça. Et après, un jour, je les prends, je les mets en route, et j'entends, et je sens que ça vibre, des vibrations. Ah, je me suis dit, ça doit être ça. Effectivement, j'ai eu une crise, et je me suis couché, j'ai mis ça, bzz, bzz, bzz, bzz. 20 minutes, j'ai envie d'aller faire pipi, et je ne sais pas qu'est-ce que quelque chose m'a donné l'idée de mettre la main au-dessus, et hop, il y avait un caillou qui a sorti, il était tout noir. Donc, oxylate des trucs, là, oxylate de calcium, ça c'est les principalement, ils sont criés. Donc, c'est quand on a acide, et moi, mon cas c'était que je n'ai pas bu de l'eau suffisamment en été. Donc, c'est pour ça. Mais j'ai compris pourquoi les pipis noirs. Voilà, quand on mange beaucoup des oranges avec les citrons, apparemment, on peut faire pareil. Et c'est l'acide qui acidifie pas les corps, au contraire ça basique, alcalin, par contre ça fait les cailloux qui sont durs comme des cailloux. Ah, c'est ça qui fait les cailloux. Et ah ouais, de manger trop d'oranges. Non, ah non, non, non. Avec les oranges, j'ai enlevé les cailloux. Au contraire, ouais, d'accord. C'est-à-dire, l'orange. Citron, normalement, quand il est passé dans les intestins, après l'estomac, après il devient alcalin. Mm. Il reste pas acide. Il est acide dans la bouche. Et sinon, un conseil général, c'est d'ailleurs tout le monde l'a dit, et les Chinois, ils disent, la nourriture, il faut boire, et les boissons, il faut manger. Oui. Voilà, donc il faut prolonger les temps, parce qu'il y a une partie, apparemment 37% de digestion se fait déjà dans la bouche, et les lipides, ou je ne sais pas quoi, qui ne se gèrent pas autrement que dans la bouche. Et le corps est informé d'ailleurs qu'est-ce qui lui arrive. Donc il y a des substances adéquates qui sont générées. Les enzymes sont dans la bouche, les enzymes digestives principalement. Donc en mâchant l'eau, en mâchant les liquides, on va apporter des enzymes dans le liquide. Et ces enzymes, c'est déjà des prédigestions. On va déjà découper tout ce qui est protéines, tout ça. Parce qu'il y en a aussi dans l'eau, dans les liquides qu'on prend. Et mâcher et rendre liquide le solide. C'est pareil, c'est prédigestion. Donc dans notre salive, c'est plein d'enzymes. Mais ça, c'est difficile dans notre monde. Il faut vraiment profiter. Et quand les gens boivent de l'eau et puis tu vois qu'ils promènent dans ça dans la bouche, c'est très bien de le faire. Même le vin, n'importe quoi, enfin, je suppose qu'ils boivent du vin, n'importe quoi. Les sodas, parce que c'est pas. Mais dans les choses bonnes à prendre, et bien de passer dans la bouche comme ça, d'en saliver. Ça apporte déjà des enzymes digestives et ça empêche le corps d'en fabriquer plus loin, après l'estomac. Donc il se fatigue, le corps se fatigue moins pour la digestion. Et si vous connaissez quelqu'un qui a une verrue, il peut venir me voir. Pour, une verrue Une verrue, s'il veut connaître comment enlever. Bah, je dois aller dire, je voudrais garder un secret en moi. Garde. Non, je vais vous dire, c'est une blague. Et faites la recherche sur l'internet, et la mixture, ou les remèdes médiévales contre toutes les infections. Et vous allez trouver, et on macère dans vinaigre de... Des cidres. Et différentes épices, différentes plantes, l'ail, des trucs. D'accord, des produits mangent, en pendant 10 jours, on les macère et après on boit une cuillère le matin, une cuillère le soir. Par contre, il ne faut pas les garder dans la bouche, ces mots-là, parce que ça enlève décale. Les calciums des dents. Ah. J'ai pas fait parce que moi, j'ai commencé tout à tenir dans la bouche et là, j'ai... Je bavais, hein. C'était pas une bonne idée. Ah ouais. Par contre, si on avale tout de suite, ça. Donc moi, j'ai eu un verru pendant un an et demi. L'argent colloïdal, l'eau de mer, l'électricité, rien ne faisait pas. Et là, en 10 jours, j'ai essayé le lait de figues, ça marchait, mais la saison était finie et bah, il n'y avait plus de lait de figues parce que les figues, c'était seulement un tronc sec, carrément, voilà. Et avec ça, en 10 jours, c'est fini. Et il y a encore les plantes à verrue qui a marché avec mon fils en une prise, c'est parti. Mais je ne savais pas qu'on peut les trouver ici, devant les bio. J'ai appris récemment quand on a fait ces plantes jaunes, là, sauvages. Même si je les connaissais, mais je n'ai jamais cherché ici. Alors les problèmes de peau, ma soeur, elle avait un bouton sur le front. Elle me dit, oh, tu as vu ce que j'ai là, je vais me faire opérer. Et puis elle me dit, mais il est où? Alors elle touche et elle l'a plus. Ah oui. En fait, ça faisait plusieurs jours que j'étais allée chez elle et j'étais allée avec mon extracteur de jus et je buvais beaucoup de jus. Et donc je lui avais fait profiter les jus. Et ben, juste sur les jus, en quelques jours, sa peau était devenue nickel. Toutes les imperfections étaient parties. Mais c'était des fruits particuliers ou n'importe quel fruit? Des légumes. Non, pas les fruits, jus de légumes. Ah, c'était des légumes. Ouais. Enfin, moi, je ne pense pas manger de légumes. Hein. Ah, oui, que de jus. D'accord. En fait, elle a reminéralisé son corps. D'accord. Et ça fait le nettoyage en même temps, de toute façon. Et elle l'avait plus, elle a dit. Bah, alors, au début, elle ne croyait pas trop. Moi, je l'avais apporté parce que j'en ai besoin. Et je dis, bah, profite-en, de toute façon. Tiens, à l'apéro, on se fait un jus de légumes. Et puis elle a fait, et puis elle me parle, mais il est plus. Ben, je dis oui, c'est normal, t'as vu les jus. Ben, après, elle n'a jamais quitté son ni ça, ni manger cru. Enfin, pas tout, mais un peu. Mais ça a vraiment marché. Mmh. Hein. En tout cas. Merci beaucoup. Donc il y a plein de choses. Je vous avais parlé de la biodanza. Oui, j'ai trouvé une amie qui maîtrise un peu plus que moi, parce que moi je suis en France. Et prendre des compléments alimentaires à longueur de temps, c'est pas bon. Pardon ? Prendre des compléments alimentaires. Non, bon, voilà. Non, l'hiver, je prends un point. Je peux avoir votre numéro. Bon, là j'arrête maintenant. Vitamine B3. Sauf que non, c'est un arrêt. Est-ce que tu peux prendre des médicaments ? Ça, c'est en hiver. Après en été, non, maintenant je fais une semaine sur trois. Après, ça dépend des compléments.